Tu vas suivre le chemin, tu vas galérer. Donc en fait, c'est une bonne technique pour la fille pour avoir un Benjamin tout neuf. Ouais, ouais, mais je veux bien galérer, mais pas trop aussi, quoi. Bah si, Benjamin. Attends, si tu galères trop, tu fais quoi? Bah, je lâche. Voilà. Tu lâches, mais je suis sûr que tu vas pas lâcher parce que tu. J'ai pas l'habitude de lâcher. Mais tu l'auras pas eu. Le problème, c'est que j'ai pas l'habitude de trop courir non plus, tu vois. Ouais, sauf que là, si tu lâches, tu l'auras pas eu. Ouais, c'est ça le problème. Mais moi, j'ai l'habitude d'avoir ce que je veux. Et là, alors, en fait, elle a peut-être senti aussi que t'étais quand même un prédateur. Le mec qui veut choper. Je suis un chasseur. Dans la jungle amazonienne, le prédateur. Tu es sûr que t'es très amoureux d'elle ou c'est simplement parce qu'elle veut pas de toi? Non, vraiment, je suis accroché, c'est une fille bien et tout, je suis vraiment tombé dans un truc cool, je voulais, enfin, si je peux me poser avec elle, c'est ce que je voudrais. Ça fait combien de temps que t'es en relation avec elle? Ça fait 6 mois. Ah oui, quand même. Est-ce que tu veux que demain, on lui passe un petit coup de téléphone tous ensemble? Ouais, non, pas trop, non. J'essaye de faire les choses bien. T'as peur que Doc la drague, je comprends. Ça, tu risques pas, moi je risque pas une oreille, je t'ai déjà dit. Ça va, Doc, je t'ai vu passer par le bois de Boulogne encore hier, c'est bon. Je ne voulais pas en parler, mais vraiment c'est dégueulasse ce que tu fais à Katoche. Bravo, je te félicite pas. Je suis extrêmement fidèle. 50 euros et hop, je te donne un billet. J'ai tout vu, Doc, ne te cache pas. Ça, c'est toi qui passes par le bois de Boulogne, pas moi. Benjamin, je te rappelle que si tu es censé m'avoir vu, c'est que tu y passais. Moi, je t'ai pas vu. C'est mon chemin de retour. Bien donc, sûr, bonne excuse. Tiens, vas-y. Benjamin, on te fait une grosse bise en tout cas. Et elle a raison de te faire un petit peu galérer. C'est aussi le moyen de tester votre relation dès le départ, quoi. Il faut que tu t'accroches, Benjamin. On n'a pas tout cuit dans la bouche, hein, tout le temps. Ouais, c'est sûr. Moi, je vais essayer de persévérer. Mais merci pour vos conseils, en tout cas. Bah, tu reviens quand tu veux, Benjamin. Et avec elle, avec grand plaisir. Salut, Benjamin. Salut, merci beaucoup. Ciao. Et Jimmy, notre auditeur du soir, là. Jimmy? Ouais. Jimmy, tu nous as envoyé un mail loveinfun@funradio.fr pour faire l'émission avec nous. Je sais que tu fais un petit peu de radio locale. Tu veux faire une petite pub ou pas? Tu fais de la radio sur quoi, toi? En fait, je me suis fait virer quand même. Hein. Ah ouais, mais... Ah merde. Et du coup, tu cherches une nouvelle radio, peut-être, du côté de Sisteron? Oui. D'accord. Dans le 04. D'accord. Et une radio que tu vises ou pas? Non, pas vraiment. Okay, bon, je vais pas dire de nom non plus. Bah, d'accord, c'est ça, faut rester discret. Petite radio du côté de Sisteron, c'est quoi ton blaze sur Twitter qu'on te follow là? Jimmy Show Radio. Jimmy comment? Jimmy Show Radio. Jimmy Show Radio. Eh ben on va aller te follow sur Twitter. Merci beaucoup mon Jimmy, salut. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Hein. Ok. Bravo à toi. C'est possible d'avoir une petite enceinte aussi? Bah, bien sûr, attends, l'auditeur du soir il a tout ce qu'il veut ici. Ok? Ok. Salut. Salut mon pote. Et on va retrouver Marion Enso. Bonsoir les filles. Salut les filles. Bonsoir. Ça va les filles? Ouais, ça va très bien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui les filles? Bah en tout cas, j'ai vu que votre joli petit lot du standard faisait comme si j'existais pas. C'est vrai qu'il la calcule pas du tout. Toute la journée, il m'a pas calculé, donc je pense que j'ai toutes mes chances. Guillaume au standard, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, on travaille tellement. Mais promis demain, je passe faire un bisou. Tu sais ce qu'il a fait tout à l'heure? Elle est passée, elle a essayé de lui sourire, il a baissé les yeux. Il doit se méfier un peu, je crois. Ouais. Non, mais il a entendu parler d'Anso à la radio, forcément. Il a entendu parler de la rumeur qui court. Bah raconte, c'est quoi la rumeur alors? Je préfère pas en parler, Anso. Restons. Gars, parce qu'elle va balancer les rumeurs sur toi. Restons dans la bonne dynamique de la rentrée. Ouais, improvisation. J'ai pas envie d'en dire plus, mais je sais qu'à Los Angeles, vous avez fait de sacrés partouzes. Allez, salut. Salut les filles. À demain. À demain. Bon, la voix de Fun Radio, t'es prêt? Ouais. Intro, le Night Show, première. Ce soir, 22h, elles sont de retour. Moi-même, la voix de Fun Radio, j'ai des frissons. Ça marche, la voix. Bon, cet été, je dois vous le dire, elles se sont fait kiffer. Marion, la brune, est allée en Corse. Tume, salute, bon appetito. Anso, la blonde, a tenté de conquérir l'Amérique. You know, I'm célibataire and I trouve ton boule very beautiful. Elles sont vos meilleures copines. Vos sœurs, vos meufs, vos confidentes et passent toute leur soirée avec vous. Merci les filles, vous déchirez vraiment, j'adore vos vidéos YouTube, continuez comme ça. Est-ce que toi tu as une zone érogène de prédilection? Le foie. Le foie. Anso, franchement, je voulais te dire, t'es super bonne, mais qu'est-ce que t'es conne. Bonsoir Tom. Salut. C'est Avalon, hein, c'est ça ta ville? Avalon, ouais. Non merci, pas ce soir, mais dis-nous tout. Bisous les bains. J'ai une petite blague pour vous les fils. À votre avis, qu'est-ce qu'on lance Ah, je me rappelle plus de la blague, hein, je suis désolé. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Merci beaucoup. Marion et Anso, le Night Show. Ça démarre maintenant. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the night. Marion et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Il est 22h03. Nous sommes le 23 août. C'est la deuxième de la deuxième saison du Night Show. Yes. C'est vrai que ça va être très très relou, hein, si on commence chaque émission comme ça en fait. Moi je pense qu'on peut le faire au moins toute la semaine. Ouais. Au moins toute la semaine, franchement. Bah oui. Oui, c'est vrai. Parce que peut-être que vous n'étiez pas là hier soir, mais bienvenue en tout cas. Marion et Anso, le Night Show saison 2, ça a repris hier. On est en direct avec vous comme tous les soirs jusqu'à minuit. Et on est hyper content de vous retrouver. Après 2 mois de vacances, ça fait vraiment du bien. Hier on a passé une soirée de folie. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup bossé pour vous. Et vraiment, c'est que du kiff. Exactement. Alors, je vous présente évidemment une partie de l'équipe. Donc, moi je m'appelle Anso, je suis une petite blonde à franges, je suis accessoirement diabétique. Et il y a mon autre éclopé avec moi. Oui, bon. C'est Marion. Alors Marion, elle s'est fait opérer, elle a eu une petite intervention chirurgicale ce matin et pourtant elle est là en direct. Elle braverait tempête et montagne pour être là. Alors, je vais pas vous cacher que c'est pas très glamour comme intervention. En fait, je m'étais bouché une glande salivale dans la bouche. Ah, oh, salivaire. Non, salivaire. Ah bon, bah c'est pareil. Glande salivale, la personne invente des mots. Hein. Voilà, on a tous des glandes, bah tu sais, en dessous de la lèvre comme ça. Et je m'étais mordu. Du coup, ça s'était infecté et ça avait fait comme un énorme kyste. Du coup, bah j'avais une boule. Donc fallait que je me la fasse enlever. C'était ce matin et ça me fait mal. Truc de ouf. Du coup, on est en train d'entendre le générique de Grey's Anatomy derrière. Est-ce que tu t'es fait opérer genre par un genre de docteur Mamour, glamour? J'allais en venir parce que il m'a dit qu'il allait écouter l'émission ce soir. Ah. Donc je l'embrasse, mais la personne est proche des 60 ans, quoi. Donc mais non, Marion, attends, quand même. Bah, si. Mais Marion. Bah, ou 45, quoi. Quel âge? Et il avait, peut-être 50 tout frais. T'es, excuse-moi, pourquoi il avait? Il est décédé entre temps. Non, mais, non. On peut pas savoir, c'est le genre de personne, on peut pas lui donner d'âge, tu vois. Comment il s'appelle? La Kersen. Non, Marion, c'est pas la Kersen, mais c'est pas possible. C'est quoi? Docteur Lacazène. Ah oui, Lacazène. Bon, bah, qui que vous soyez, on vous embrasse, docteur. Merci de nous la rendre en vie. Mais si du coup Marion bafouille un peu ce soir, a un peu de mal, eh ben c'est qu'elle souffre pas mal ce soir. Oui, mais il a fait du beau boulot. Je l'embrasse très fort, malgré les 170 balles qu'il m'a mis dans le cul. Grosse émission ce soir, les amis. Une grande salivaire, mon gars, 170, quoi. Tout le monde se pose la question à 22h05. Est-ce que ça fait mal, 170 balles dans le cul? Je te cache pas que là, ça reste un peu, hein. On n'est pas bien, quoi. Grosse émission ce soir, puisque tout à l'heure, on va vous présenter la première chanson de l'année du Night Show. Ah ouais. Vous le savez, on aime bien faire des petites chansons, on parlait de nous, tout ça. Il y en a sur YouTube. On fera ça dans un instant. On va aussi parler des anomalies du corps humain. Parce que oui, quelqu'un dans cette équipe a une particularité sur son corps. Je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi. On en parlera tout à l'heure, 01 42 48 5000 si vous aussi vous avez des anomalies comme ça, comme nous. Et puis bah comme d'hab, il y aura le pourquoi tu m'appelles, le retour du je te demande pardon, les amis. Cool. Ah. Ce moment où vous vous excusez là en direct pour gagner votre PS4. Tout ça c'est tout à l'heure, grosse soirée dis donc. Et il y aura du son aussi ce soir, on va écouter Ken Jones ensemble. Ouais. C'est qu'on est chez moi. Bonjour madame. C'est marrant parce que ça fait vraiment partie d'une de nos chansons préférées avec Marion et on n'est pas foutu de se mettre une seule parole dans la tête. Non, pas du tout, c'est mais personne. Il parle 14 langues dedans. Ouais, c'est fou, les polyglottes comme ça, moi ça me dépasse. Et puis on va écouter aussi le tout nouveau Black M qui est chambé. Ah là là. Il a sorti le clip hier, Black M. Il est canon, le clip. Il est canon, et tout l'été, là, vous avez posté des vidéos où vous dansiez sur le clip. Franchement, j'ai trouvé ça hyper stylé de sa part. Je l'adore et j'aimerais bien qu'on l'ait enfin dans cette émission, Black M. Ouais. Amir, j'en viens à toi, justement, producteur de cette émission et accessoirement gestateur des réseaux sociaux. Quand est-ce qu'on aura Black M? Gestionnaire, non? Ah oui, tu veux dire. Bon, c'est la chirurgie, les gars. Non, mais si, on va essayer de l'avoir, mais peut-être, bah, justement, maintenant que le clip est sorti. Ah, peut-être. Surprise. Black, si tu m'écoutes, viens dans cette émission. On t'attend. Viens donc, monsieur M. Comment ça se passe sur les réseaux, Amir? Ça va super. Non, franchement, je suis hyper content. Pourquoi? Parce que depuis hier, ça réagit à fond sur tous les réseaux sociaux. Donc, Marion Enso partout, hein, pour ceux qui ne nous rejoignent pas. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas rejoint. Et du coup, là, on va vous poster une petite vidéo sur la chaîne YouTube. Je sais pas si elle est déjà en ligne. C'est laquelle? Celle du Poké Lost. Ah, je crois qu'elle est en train d'arriver en ligne. Ouais, c'est le Poké Lost, le nouveau jeu qu'on a fait hier ensemble. Ouais. La chaîne YouTube, c'est Marion et Anso. Allez-y, abonnez-vous. Et on est plus de 100 000 sur la chaîne. Merci beaucoup, les amis. Thibaut à l'arrêt, bonsoir. Ouais, salut. le nouveau réalisateur de cette émission, qui est plutôt en place. Il s'en sort bien. Hier, il a fait une bonne émission. 2-3 loose, mais on lui a cassé la gueule après gentiment. Du coup, maintenant, il est là, il est motivé, tout va bien. Ouais, je suis super content. Est-ce que t'as passé une bonne nuit, Thibaut ? J'ai passé une bonne nuit. Ouais. J'ai passé un début de journée compliqué. En fait, quand je voulais me faire à manger ce midi, j'ai eu l'alarme qui a commencé à sonner parce que mes steaks ont cramé. Enfin, un peu stressant, mes voisins sont venus me voir et tout. Anecdote de merde. Allez mec, il faut que tu saches que voilà, il est 22h08, on fait une émission de divertissement. Tu ne peux pas commencer cette émission en parlant de ta bouffe du midi. Enfin, mes steaks étaient bons en tout cas, voilà. D'accord. Bonsoir Enzo du Standard. Salut les filles, salut tout le monde, salut la France. Comment tu vas ? Je vais super bien aujourd'hui, à la cool. J'ai pas mal aux dents comme vous, mais sinon ça va. Ouais, qu'est-ce que t'es beau, c'est incroyable. Ah, tous les jours il va dire ça. Bah, c'est vrai que je suis mignon quand même. Le gars maintenant il a un délire fouteux quoi. Il s'attache les cheveux à la Zlatan. Si. C'est le côté pratique quand t'as les cheveux longs. Tous les hommes de France qui ont les cheveux longs font ça. Mais ouais, franchement, t'as le standardiste de Love in Fun, là, le joli petit lot, mais t'as pas à rougir du gars. Hein. T'es non. Hyper Enzo, mignon. Quoi. Ah bah, c'est Enzo, il est largement au-dessus. Tu es installé. Enfin, ouais. Non, en fait, non. Je suis pas sûr, moi, tu vois. Il peut parler avec ses sourcils, lui. Ta sœur. D'accord, ambiance. Enzo, présente-nous le ou la première auditrice de ce soir. Alors, c'est Lise de Boulogne-sur-Mer. Ah. Elle s'est donné un petit challenge avant de partir en vacances. Et je pense qu'elle a réussi. D'accord. Bonsoir, Lise. Coucou Marion, coucou Enzo. Salut tout le monde. Coucou, ça va, Lise? Ça va super, ouais, et vous? Ah, bah, ça nous fait plaisir de t'entendre. Après 2 mois, on avait besoin d'avoir de tes nouvelles. Ah bah, je suis trop contente aussi. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. T'es une beurre. Raconte-nous, c'est quoi cette histoire de challenge? Écoute, cet été, je m'étais mis un challenge et il a été amplement réussi parce que je m'étais dit, je perds 10 kilos cet été et j'en ai perdu 11. Oh là là là là, mais bravo! C'est trop bien! Alors, excusez-moi, mais 11 kilos en 2 mois, ça me paraît quand même énorme. C'est peut-être dangereux d'ailleurs. Ah, mais c'est extrêmement dangereux, ne faites pas ça chez vous. Mais ça dépend, comment t'as fait? Est-ce que. Par exemple, si elle pesait 170 kilos, bon. Ah oui, ouais. Tu vois, exactement. Là, ça va. Il y a une certaine forme de marge. Mais si t'en faisais 48, ouais, c'est dangereux. Comment ça se passe pour toi? T'étais à combien? Non, j'étais à 72 au début de l'été. Ouais. Et là, du coup, j'ai fini à 58-59 à peu près. T'as fondu, quoi. En faisant du sport et en arrêtant les boissons gazeuses et en profitant, mais en mangeant des fruits, des légumes, enfin bref, un corps sain dans un esprit sain, quoi. Elle est forte, hein? Ouais. Franchement, ouais, bien, ouais. Il y a Anso qui s'est donné le même défi. Pour l'instant, on est à. Non, mais moi, je me suis pas donné le défi de perdre du poids. J'en ai déjà perdu beaucoup. Et puis, bon, voilà, j'en ai marre d'être flasque. Moi, je me suis donné comme objectif de courir des courses dans Paris. Ils organisent des 10 km, des 20 km. Et je me suis donné ça comme. Ouais, mais tu veux te muscler aussi, tu veux être gaulasse. Ouais, bah, j'aimerais bien. Enfin, bon. Moi, je compte, pour être gaulasse, je compte trouver l'amour, quoi. L'amour. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, Lise, t'es amoureuse. Oui, je suis amoureuse aussi. Ouais, quand t'es amoureux, tu perds du poids, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Eh oui, t'as jamais remarqué? Bah non. Ouais. Mais tu perds de l'argent surtout quand t'as. Ouais, c'est ça. Il a raison. Bon, en tout cas, on est contente pour toi, Malise. Et fais attention à toi, perds pas trop non plus. Hein. Non, là c'est bien, j'ai trouvé mon rythme, c'est cool. Bon, bah on t'embrasse, ma chérie, bravo à toi et tu reviens quand tu veux sur Fun. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Bonne soirée. Des poutous coquines. Bon, ciao. Dans un instant sur Fun Radio, on va déjà vous chanter la chanson du Night Show qu'on a écrite pour vous. Ouais. Oui. Et en plus, on a un petit bonus, des petites coulisses de l'écriture de cette chanson. Vous allez voir, on va vous balancer ça sur les réseaux. Et puis, on va aussi parler de l'appli, des applis. On va parler donc. Je t'ai piqué ta cicatrice, moi. En fait, on voulait parler des applications sur lesquelles vous avez été beaucoup cet été. On a beaucoup parlé de Pokémon Go, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Venez nous dire quelles applis ont été indispensables pour vous cet été. 01 42 48 5000, bougez pas, on se retrouve juste après. Bah, mon son de l'été, c'est Jennifer Lopez sur Fun Radio. Si. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. No. Mama, no, I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that, hey. to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso. Je vous cache pas que ce soir, j'ai quelques difficultés à parler avec ma lèvre enflée et dégueulasse. Oui. Mais tout va bien, je suis hyper contente d'être avec vous. Et on a bossé avec toute l'équipe aujourd'hui. On vous a préparé la première chanson de l'année. Ouais. Vous le savez, on aime bien, on a toujours le même air. Hein. C'est toujours à la gratte, c'est toujours la même chose. Mais là, c'est pour vous, on a kiffé. Et puis bah après, on vous balancera les petites coulisses de l'écriture. Vous êtes prêts l'équipe ? Allez, c'est parti. Allez. 3, 4. C'est l'histoire du Night Show, le soir sur Fun Radio. C'est la deuxième saison, promis on fera les cons. Marion invente des mots, Anso va-t-elle pécho? Avoue tu doutes de nous, coucou hibou coucou. Encore c'est l'histoire du Night Show, le soir sur Fun Radio. C'est la deuxième saison, promis on fera les cons. Marion invente des mots, Anso va-t-elle pécho? Avoue tu doutes de nous, coucou hibou coucou. L'histoire du Night Show qui ont repris Pépère et ils auraient pas dû. Je vais leur remplir le derrière. Cette petite pute. Je vous dis la vérité, le coucou hibou coucou, c'est parce qu'on n'avait pas de putain de rime en haut. Mais on a vraiment bossé, bougez pas, on revient tout de suite sur Fun, on va se marrer, oh bah oui. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo mixé à Nils Van Zandt. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Nils Van Zandt. Chucky. Tujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Le chasseur est la reine des glaces. Grâce au pouvoir du miroir, je dominerai le monde. Découvrez l'histoire qui a précédé celle de Blanche-Neige. Chasseur, es-tu prêt ? Avec Charlize Theron et Chris Hemsworth. Un grand film d'action et d'aventure. Le chasseur est la reine des glaces. En DVD, Blu-ray, coffret. Ce miroir est maléfique et dangereux. On doit le détruire. Avec Fun Radio. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Elles reviennent. Bonsoir la France! Motivé que jamais. On est content d'être là. Toujours pleine de délicatesse. Une fois, je me suis pas épilé le maillot pendant 2 mois. Oh. Dans la bonne humeur. On sera là pour une saison 2 avec vous tous, ouais. 22h minuit. Marion et Anso. Night Show. Saison 2. Ça va être un kiff énorme. Sur Fun Radio. Il y a quelques minutes, sur Fun Radio, vous venez d'assister à un moment assez triste parce qu'on vous a chanté la première chanson du Night Show saison 2. Oui. Et j'aimerais savoir comment ça réagit, Amir. Est-ce que les gens nous ont trouvé bons? Est-ce qu'ils ont trouvé qu'on avait une tessiture de voix assez kiffante? Alors totalement, hashtag Night Show. Non, hashtag MAS. Non, c'est quoi déjà? Le Night Show. Attends, enfin, le gars. Excuse-moi, Amir, tu nous remets. At Bennett08 qui dit: je veux pas être méchant, mais on entend que Marion officiel et c'est pas top. Ah merde. Ouais. Laurent Guernevel, vous m'avez tué, pas de putain de rime en ou. Sunley YT, magnifique. Axel Maz, mon idole, c'est Pépère. Ouais. Maeva, oui, la chanson du Night Show, j'adore à 100%, bravo les bœufs. Ah oh, bah c'est mignon, merci beaucoup. Bon bah ça veut dire qu'on le refera. Et Manon qu'on... Guillotin, trop bien cette chanson. Peut-être qu'on pourrait faire un concert, une tournée même mondiale. Ah, mais... on peut faire un Bercy, je suis sûr, on le remplit. Avec une chanson manga. Ouais. Mais la vidéo, elle est en ligne là sur les coulisses de l'écriture ou pas? Elle est bientôt. Elle exporte. Je vous jure, on s'est tapé des fous rires dans le bureau avec tout le monde à trouver ces rimes qu'on ne trouvait pas. Hein, faut se le dire. Mais aidez-nous d'ailleurs si vous trouvez des rimes en ou pour remplacer coucou et boucoucou, on prend. Enfin, des rimes en ou, il y en a, mais qui vont bien dans le texte, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut que ce soit un travail d'équipe. Tout à fait. Bon, on voulait parler avec vous aussi ce soir des applis qui vous ont accompagné tout l'été. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Pokémon Go, puisque c'est l'appli qui a explosé dans le monde entier. Je crois que le gars est milliardaire en plus, hein, qui a créé ça. Bah, tu m'étonnes. Alors, c'est pas un gars, c'est deux sociétés. Ouais, bah, okay. C'est bien ce que je dis. Un il gars t'a humilié. Pour moi, ça veut dire deux sociétés. Il y a eu aussi Insta Story, la nouveauté de l'été. Tu sais, c'est Instagram, l'appli qui maintenant font des stories à la manière de Snapchat. Moi, j'ai trouvé ça un peu space. Je trouve que c'est un peu du plagiat, mais bon, pourquoi pas, c'est sympa. Ouais. Et il y a eu plein de petites nouvelles applis. Donc, appelez-nous 01 42 48 5000. Moi, perso, j'étais sur Waze tout l'été, le GPS, parce que clairement, ça m'a sauvé la vie. Ouais. Et Boomerang, tu vois ce que c'est ou pas? Ah ouais, et je trouve que d'ailleurs, ça a vraiment explosé cet été, Boomerang. Ouais, c'est lié à Instagram aussi. Hein. C'est l'appli qui vous permet de faire des petites vidéos, Boomerang, comme ça. C'est instantané, c'est assez gaulerie. Ouais, et ça ne nous met pas tout à fait tout le temps en valeur. Hein, il faut quand même le dire. On peut se le dire. Toi, t'étais sur le truc de course. Ouais, moi j'ai découvert Runtastic, c'est l'appli footing qui te permet, t'as une nana qui te chauffe, qui te dit vous avez fait 1 km, vous avez fait 2 km, donc ça c'est cool. Bon, j'ai pas tout à fait bien compris l'appli parce qu'elle me parle en anglais, donc je capte pas ce qu'elle me dit. Mais en tout cas, 1 km, je crois que j'ai à peu près saisi. C'est bien Babe, je suis fière de toi. C'est pas mal, je vais courir demain matin, pensez à moi. Il y a Quentin de Dijon qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Quentin à Dijon. Salut Quentin. Salut Marion, salut Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va toi? Ouais, ça va, au calme. Ok. Enfin, il fait quoi ce soir? Il est dans sa chambre? Il est avec les potes? Non, je suis au camping. Ah, au camping. T'es encore en vacances donc? Ouais. D'accord. C'est quoi le camping? C'est, j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est le domaine du Quercy, dans le Lot. D'accord. Sympa le Lot. Le Lot. Voilà. Alors dis-nous, tu joues à quoi? Tu es sur quelle appli toi au camping? Ah, en fait, moi l'appli là qui m'a chauffé le plus cet été, c'est Onoff. Deux numéros en même temps, pratique pour gérer deux meufs en même temps aussi. Alors attends, redonne le blaze. On off. Ah oui, elle existe depuis un moment celle-là. Ouais. C'est l'appli de Ty Chris. Ouais. Tu sais, c'est une appli qui te permet de télécharger un autre numéro de téléphone pour pouvoir éventuellement effectivement gérer d'autres meufs, avoir des conversations secrètes avec des gens. C'est un numéro virtuel en fait. C'est-à-dire que tu donnes le numéro de téléphone à quelqu'un. Admettons, j'ai un mec. Ouais. J'ai envie de le tromper avec un autre mec. Je lui donne mon nouveau numéro. Ouais. Et ça arrive quand même sur mon téléphone. Ouais, alors ça arrive dans l'application. Ça arrive pas sur ton téléphone. Quand il ça peut sonne, pas le voir. C'est comme Skype. Ça D'accord. sonne comme Skype. Quoi. Tu vois, donc c'est pas mal. C'est vicieux parce qu'à part ça, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Attends, mais Quentin, t'as 16 ans, t'as une meuf. Et t'as envie de la tromper, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle me saoule des fois, donc du coup, après j'ai installé l'appli. Et en plus, ce qui vient, c'est qu'on a le mot de sûreté, c'est-à-dire que pour faire apparaître le numéro dans un off, faut secouer le téléphone, mettre un code, et après on a accès au numéro. Mmh. Ok, le gars est un pro quoi. Mais éventuellement, peut-être change de meuf si elle te saoule comme ça. Ouais, mais je sais pas, j'arriverai pas à lui dire genre ouais, c'est fini et tout. Donc, Attends, mais si tu te fais chier, t'as 16 ans. Mais ouais, mec, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 6 mois. Ah, mais 6 mois, si t'es pas amoureux et que c'est un poids pour toi, sans déconner, fais-le maintenant. Hein. Ouais, je crois que je vais la quitter de toute façon parce qu'elle me gare. D'accord, tu nous tiens au courant, en tout cas, on vient de faire le bonheur d'une fille ce soir. Mais non, mais c'est pour elle aussi. Faut pas qu'elle perde son temps non plus, évidemment. Exactement, Quentin. Bon, allez, Quentin, sois fort, ok? Ok, merci beaucoup. Salut, bisous. On t'embrasse, Quentin. Bisous. Les garçons dans l'équipe, c'est quoi les applis que vous avez utilisées, vous, Thibaut, à l'AREA? En fait, le truc, c'est que je perds des trucs chaque été. Genre, cet été, c'était ma télécommande. Ouais. Du coup, j'ai pris une appli pour ma box et je pouvais piloter ma télécommande. Via mon téléphone et du coup j'ai pu regarder Malcolm tout l'été. C'est pratique ça. Ouais, et t'as bien. Perdu quoi l'été dernier par exemple? La virginité. Ça se fait pas, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est vrai qu'il a une petite tête de puceau comme ça, mais franchement... Ah, je suis plus puissant. Non franchement, je suis sûre que c'est un tombeur ce Thibaut. Ouais, t'as combien de meufs dans ta vie Thibaut? J'en ai eu genre 5. Mais genre 5 histoires ou 5... genre 5 histoires. 5 histoires? Genre 5 amoureuses. Ouais mais à côté de ça t'as couché avec plus de filles. Ouais, un peu. Ah d'accord. Ça sent, j'ai ma meuf qui écoute les gars, je peux pas trop en dire. Et ça sent ma meuf et mes parents mais. Ouais, c'est ça. Il y a Ambre qui nous a appelé aussi. Ambre elle habite à Hennebon. Bonsoir Ambre. Hennebon. Coucou les filles. Ça va Ambre? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors dis-nous chérie, t'as joué à quoi? T'as fait quoi toi cet été? Bah moi j'ai en fait mon application c'est Tour Me App. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est une application en fait qui quand on lance le téléphone en l'air en fait, quand on est avec les potes, ça prend automatiquement la photo en l'air en fait, comme un drone. Ah oui, mais c'est dangereux pour le téléphone ça. Comment oui. ça s'appelle? Tour Me App. D'accord, ah. Mais si tu rattrapes pas le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ah bah on... Bah oui. C'est mort. D'accord, et ça fait des belles photos? Ouais. Ah bah faut qu'on essaye dans l'équipe là, quelqu'un ouais. va la télécharger. Anso, mais excusez-moi, vas-y. Est-ce qu'on peut juste m'épeler le nom de cette amie? Je crois que personne n'a compris. Attends, on l'a au standard là, vas-y Enzo. Enzo, c'est quoi? Ouais. Alors je regarde ça tout de suite. C'est Throw Me App. Throw? Ah voilà, T-H-R-O ouais. W-M-E-A-P-P. Ah d'accord. Throw Me App. Ok. Et bah, tu sais quoi, on va tester Enzo. T'essaies de nous faire une photo ouais. avec ça. C'est uniquement sur Android par contre. Hein. Ah d'accord. Ah, d'accord. Bah, pour ça, voilà. je pouvais pas. Bon bah on peut pas tester donc. Hein. Bon, merci bah, Ambre. Merci Ambre en tout cas parce que c'est cool pour tous les gens qui ont Android. Est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr. Vas-y. Alors je fais une dédicace à mon Kylian, à Athénaïs, à Éloine. D'accord. Et aussi à Audrey. Mais Ambre, t'es en train de t'inventer des amis? Non, c'est long. Mais non, pas du tout. Elle est chou, elle réfléchit. C'est tout? Et à Déborah. D'accord, et eh ben c'est passé, on t'embrasse. Bisous Ambre. À la bise. Est-ce que je peux avoir un taxon aussi? Oui, évidemment. Ambre, évidemment. Bisous. Cool. À bientôt. On rappelle que dans les packs fun, il y a des casques Marion Anso, il y a des t-shirts Fun Radio, il y a des bonbons, il y a plein de trucs cool. Il y aura des nouveautés cette année aussi. Ah oui, ça veut dire qu'on les a pas encore, Amir, c'est ça. D'accord, j'ai compris le message. Ça marche. Bon, on va se faire le petit jeu du soir, l'équipe. Ah, le vrai faux sur les applications les plus what the fuck. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. In-app work, ça vous parle ou pas? Ce serait une appli qui servirait à faire la sieste au bureau sans se faire prendre. À votre avis? Ouais, je pense que ça doit exister. Oui, ça existe en fait, ça s'appelle donc In-App Work et ça vous permet de simuler des bruits de clics, de papier, de clavier, d'agrafeuse, tout ça, pendant que toi tu peux te reposer tranquillou. Mais c'est génial ce truc! Bah ouais, dans notre bureau on est plutôt à la cool, mais. Ouais, ouais. Mais pour ceux qui se font chier au taf, pas mal. RPNP, à votre avis, l'application qui permettrait à des entreprises ou des particuliers de louer leurs toilettes à des personnes qui ont envie de pisser. Ah, ça, y a du business, donc oui, ça existe. Eh ben oui! Ça existe. Ah ouais. Alors, j'irai jamais là-dessus, quoi. Personne vient pisser chez moi. Puis surtout, tu vas pas demander de la thune à quelqu'un qui en peut plus, quand même. Bah si. Bah un mec qui est fatigué, il veut dormir, bah tu payes, c'est pareil. Ouais, mais enfin là, il va passer 2 secondes dans tes toilettes. Ouais, bah, c'est mais 2 secondes multipliées par 10 personnes. Et le PQ qu'il utilise. Et l'eau. Attends, on n'y pense pas. Allo Texto, l'application qui fait croire que t'as des amis qui vous envoient des textos. Non. Ah aussi, ça doit exister. Ouais, ça marche. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée. Ah ouais. Parce que tu vois, quand t'es seul, tu galères et tout, t'as envie de te la raconter. Bim, petit texto imaginaire. Si t'es seul, pourquoi tu veux faire ça? Bah non, mais si t'es seul dans la vie, si t'as pas d'amis, tu vois. Tu vois, moi par exemple, j'ai des amis et mon téléphone n'a pas sonné une seule fois de la journée. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Une seule fois. D'ailleurs, on va pas tout révéler, mais t'attends quand même un texto de quelqu'un. Allez. Voilà, next. Pleurs traduction, l'appli qui permet aux parents de traduire les pleurs de leur bébé. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, ça existe pour savoir s'ils ont faim, envie de dormir, s'ils veulent leur doudou, tout ça, ça existe. Je sais pas comment ça marche, mais ça existe. Ah ouais. Est-ce qu'il existe une application GPS capable de vous faire éviter les radars, les bouchons, les feux rouges et les sourcils d'Amir, à votre avis? Ouais. Non, mais à inventer, parce que ça peut être dangereux sur la route. Ça, c'est pas bien, ça. Il y a Tadé aussi qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Tadé. Salut Marion, salut Anso, salut Nacho. Ça va, Tadé? Ça va, et vous? Bah ouais, dis-nous tout, c'est quoi ton appli à toi? Alors moi, mon appli, c'est Clash Royale. Pardon? Qu'est-ce que c'est? Clash Royale. Et alors, c'est quoi? Ah, c'est comme Clash of Clans? Ouais, c'est les mêmes créateurs, sauf que là, bah, c'est des sortes de combats en ligne. Ouais. Où il faut remporter des trophées. Le but, bah, c'est d'être en plus haut trophée, quoi. D'accord. Il n'y a pas des pubs de ça à la télé en ce moment? Mais ça dit si, Clash Royale. Il y a des pubs. Ouais, c'est ça. Elles sont drôles, elles sont barasses, les pubs. Ouais, c'est ça. Ouais, elles sont bien. Et ça doit être un jeu hyper addictif, non? Bah, surtout à la sortie. Maintenant, je joue plus à Pokémon et tout, mais ouais, c'est cool. Ok. Et bah, merci de nous avoir appelé, mon pote. De rien. Bisous. Joli prénom en plus, Tadé. Ouais, ça vient d'où d'ailleurs, merci. Tadé? Ça vient d'origine des dieux. C'est un demi-grec qui s'appelait Jude et Judas. Et pour pas les confondre, il y en a un qui s'est renommé Tadé. D'accord. Aucun rapport, il n'y a pas une lettre en commun, quoi. On t'embrasse, Tadé. À bientôt. Bisous. J'ai envie de demander à Pépère quand même de l'équipe si bah, lui, il a une appli préférée, un truc qu'il a utilisé pendant l'été. Pépère, Lui, commande toujours des petits trucs sur Aloristo, hein, des Chinois. D'accord, t'aimes la cuisine asiatique ? Bah non, mais moi je veux juste baiser en fait le chinois qui me livre. Mec, mais voilà. C'est pas possible. Non mais là c'est trop trash. Et s'il peut ramener un petit nez pour que je foute dans le cul. Oh, non, c'est limite raciste. Ok, abuse mon gars, c'est pas possible. Non mais n'importe quoi. Choqué Pépère. T'as pas honte Pépère quand même ? Non non, j'ai pas honte, mais quand je commande mexicain, alors là. Qu'est-ce que tu mets dans le cul ? Bah le sombrero dans le cul. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le fun, un incroyable talent qui va débarquer. Si vous avez un talent vous aussi, bah, inscrivez-vous. Enfin, faites pas vos timides. Marion et Anso@funradio.fr. D'ailleurs, pour vous inscrire à tous les jeux de l'émission. Et pour le son tout de suite, c'est Juliane Peretta sur Fun Radio. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Show, on est en direct, ça y est, c'est la deuxième soirée là, de la saison 2, on est hyper content d'être avec vous. Je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube Marion Enso, on a mis une petite nouveauté. Oui. Ça s'appelle Pokélost et c'est un nouveau jeu qu'on fait rapport au Pokémon, tout ça. Oui Amir. Et en plus, vous pouvez même retrouver vos commentaires Twitter dans cette vidéo, peut-être que vous êtes dedans. Ouais, c'est vrai, et il y a même 2-3 Pokémon qui nous surprennent comme ça, tout ça, c'est assez bien fait. Est-ce que vous avez vu justement cette info là, moi je l'ai vu sur Facebook, ça a tourné toute la journée, c'est une émeute à cause du jeu Pokémon Go. Mais quand je te parle d'une émeute, c'est des milliers de personnes. Ou ça enfin, peut-être pas des milliers de personnes parce que j'ai pas le compas dans l'œil. Mais enfin, ils sont quand même au moins 200-300. Ça se passe à Taïwan, à Taipei. Ah ouais. Taipei, dans le quartier de Xinbetu. Mm-hmm. Ah là, bah, tout le monde sait où c'est. Ouais, Et en fait, il y avait un Ronflex qui était caché là-bas, qui est un des Pokémon les plus rares du jeu. Et donc, ça a créé une énorme émeute avec des voitures qui étaient encerclées par les gens. Les gens ne regardaient même plus les feux et tout ça. Mais une énorme émeute. On va vous mettre la vidéo sur la page Facebook Marion et Anso. Si vous n'avez pas vu ça, dis donc, moi, je vous en mets plein les mirettes. Hein. Sacré Ronflex. Fun. Un incroyable talent. Il était bon le fun, un incroyable talent d'hier. Le petit animateur radio, là, on lui a dit oui d'ailleurs. Ouais. Si vous aussi vous avez du talent, bah, vous vous inscrivez Marion et Anso@funradio.fr. Ça marche aussi sur le Facebook de l'émission. Allez-y, on prend toutes sortes de talents. Voilà, du chant, éventuellement du mime, hein, pour que ce soit un petit peu plus pimenté. Elle est drôle. C'est Ben de Montargis, merci en tout cas le studio public numéro 1, en tout cas pour toutes les vannes. Ben de Montargis est avec nous ce soir. Bonsoir Ben. Ouais, bonsoir, c'est les filles, que ça va, j'espère que ça va, parce que moi je suis chaud, taquet là. Ah, j'adore Ben, t'as passé un bel été? Ah, nickel, ouais. Franchement impeccable. T'as fait quoi? Nickel. Bon, je suis parti un peu en vacances avec des amis et puis voilà quoi. Et tu veux pas nous dire où du coup? À Barcarès. Ah cool. Il a la voix d'un mec qui a pécho en vacances. Ouais. Non, même pas. Ah, bah, bienvenue au club Ben. Non, moi non plus, je suis rentré bredouille. Dis-nous tout Ben, c'est quoi ton talent? Bah écoute, bah moi voilà, je sais faire quelques bruits d'animaux quoi. Donc, Ah j'adore. On avait déjà eu ça en saison 1. Ouais, on a eu des, la poule, on a eu plein de trucs. Imitateur d'oiseaux, tout ça. Mais à quoi ça te sert Ben dans la vie? Bah faire rire les enfants dans la rue, je le fais. Les gens ils se retournent. Bah mec, ils se disent waouh, c'est quoi ça? Enfin bref, c'est fou un peu. Moi ça me ferait peur en fait si j'étais avec un enfant et que je vois un mec qui arrive et qui fait la poule comme ça. C'est chelou. Non. C'est bah la poule, ça c'est pas vraiment la poule quoi. C'est plus la grenouille. Enfin voilà quoi. C'est vraiment un bruit. D'accord. C'est pas un bruit qu'on entend tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça les gens, ça les fait un peu rigoler, quoi. Voilà, on va voir ça. T'as prévu combien de bruits d'animaux pour nous? J'en ai 3. Ok. Alors vas-y, on commence. Bah la grenouille, tiens. Donc la grenouille. Mais c'est un dauphin, ça. Ouais, ou un dauphin. Ouais, ouais, c'est pas pareil. En fait, c'est parce que vous habitez pas à la campagne, donc c'est pour ça que vous entendez pas les grenouilles. Attends, quoi. Au contraire, Ben, Marion et moi, on vient de la campagne. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment une nana de la campagne. Ça dit, j'ai pas beaucoup entendu de grenouilles dans ma vie. Moi, j'en ai entendu une grenouille. Mais non, mais c'est le crapaud. Ça fait quoi comme bruit de grenouille? Thibaut, à l'arrière, t'as pas un bruit de grenouille? J'ai cherché, j'arrive pas à trouver de bruit de grenouille ou bruit de crapaud. Mais ça se trouve, c'est même une grenouille. Si, c'est ça. Ah, ça, c'est le dauphin. Bon, en tout cas, on sait que c'est animalier et que c'est. En tout cas, c'est maîtrisé. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est maîtrisé. On n'arrive pas, voilà. C'est... Bon, vas-y, passe sur un deuxième. Ok, donc là, c'est le petit coussin. Mm-hmm. Ouais, si. Ah ouais, c'est mignon. Ouais, bravo. Ça invalide complètement. Ah ouais, beurre, c'est beurre. Ok, et le troisième? Et le troisième, bah, le cochon, le gros classique, quoi. Donc, voilà, quoi. Vas-y. Enfin voilà, quoi, le truc bien. Mais non, mais il le fait bien. Ouais. Refais un petit coup de. Tu sais quoi, tu me fais un coup de poussin qui rencontre un cochon, quoi. Et vas-y, chope une grenouille après. Bah, définitivement, cette grenouille n'existe pas. Ouais. Je suis désolée. Alors. Mon pote, Ben, ce qu'on va faire, moi je te trouve plutôt pas mauvais. Déjà, t'es drôle et en plus, franchement, je reconnais les animaux donc ça me va. On va te tester. Ok. Anso, tu me dis si ça te va. J'ai envie qu'on s'appelle au standard. Vous me cherchez un numéro, tu sais, SOS Veto, là, les trucs ouverts 24 sur 24. Ouais. Le numéro d'un vétérinaire. Et toi et moi, on va se faire passer bah, pour des propriétaires, genre d'un cochon, d'un poussin. Ok, on oublie les propriétaires de grenouilles, on est d'accord. Ouais. On oublie. Okay. Et bah, genre, toi, tu vas devoir faire le cochon derrière nous en mode t'es malade, t'es pas bien, d'accord? Ok, vas-y, ouais, pas de soucis. On va voir si le veto, lui, il reconnaît. Tombe dedans, quoi. Voilà. Bon, en même temps, il serait quand même très con s'ils en mettent dedans. D'accord. Vous avez des numéros, les gars? Ouais. Oui, c'est bon. Pas tout de suite, Ben. Sans doute. T'as une avant-change, je vous écoute. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle parce que je suis un petit peu embêtée. Alors, en fait, je vous entends pas très bien. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, en fait, si vous voulez, je suis propriétaire d'un cochon. D'accord. Et je sais pas ce qui se passe. Il va mal. Et il se roule par terre. Il y a des excréments partout. Il est en crise totale et je sais absolument pas quoi faire. D'accord. Alors, nous, on prend pas, malheureusement, les animaux de ferme. Du coup, il faudrait que vous regardiez sur Internet, sur Google, voir qui peut vous prendre. Bah ouais, j'ai regardé, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous prenez éventuellement les poussins? Non plus. Ouais, parce que j'ai aussi un petit poussin qui, bah, du coup, a peur. Et enfin bref, tout ça, c'est compliqué, quoi. Mais vous l'entendez, madame, il vous parle. Oui, non plus. Donc, du coup, j'ai du monde, donc je vous laisse. passez une bonne journée, au revoir. Bah, enfin, c'est inutile de s'agacer de cette façon. Ouais. Moi, je vois pas pourquoi vous vous agacez comme ça. D'accord. Bon, ah, dit, merde. Au début, elle a quand même reconnu le cochon, quoi. Elle était compatissante au début, ouais. Elle était compatissante. Tu veux qu'on s'entende un dernier? Ah ouais, j'ai envie. Vas-y, Anso, je te laisse là. J'ai envie. Et tu sais quoi, Ben? Comment? Le mieux, Ben, c'est que je vais te passer... Je vais te passer la personne. Bonjour, vous êtes en relation avec le service vétérinaire de toute... Urgence vétérinaire, un instant, ne quittez pas. Un instant, notre secrétaire cas, est actuellement en communication. Votre appel lui a été signalé, elle va vous répondre dans les plus brefs délais. J'ai nous vous remercions débordé, pour hein. votre ouais. compréhension. Clinique La Boétie, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle car je suis propriétaire d'un cochon qui va très mal en ce moment. Oui. Voilà, il est pas très très bien, j'en ai même deux. D'habitude, ils sont copains comme cochons, mais je vous le passe, vous allez voir. Vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? C'était sûr. J'ai tenté le tout pour le tout. Il n'y a pas du tout cru, quoi. Mais je vois pas pourquoi, je suis très très douée pourtant en canular. Tu lui as passé un cochon, quoi. Excusez-moi, j'ai paniqué. J'ai elle pas... a fait à peine dit bonjour. Ouais. Bon, Ben, on va pas se mentir, c'est pas hyper crédible. Non, mais le poussin, on est convaincu sur le poussin. On peut se le dire. Le poussin, ouais. Voilà, la grenouille, le cochon, tout ça, c'est bien moyen. Tu sais comment ça se passe? Il te faut les 5 oui de toute l'équipe pour venir tout frais payer dans les studios. Avec un peu de chance, ça peut passer. Allez, jugement. Ah, j'espère. Enzo. Ouais. Timo. Non. Amir. Je suis désolé, mais non. Anso. Oui, d'encouragement pour la grenouille, tout ça, quoi. Ouais. Marion. Ah, c'est un gros nom, évidemment. Ouais. Mais tu m'as fait marrer, cela dit. Moi aussi. Voilà, mais il faut perfectionner tout ça et surtout, il faut proposer d'autres bruits parce que juste 3 à ton répertoire, c'est un peu limite. Ouais, ouais, bah écoute, on se lance, on est des amateurs, hein, comme on dit. Évite, hein, par contre, Ben, de te jeter sur des enfants hein, pour leur faire les bruits d'animaux, c'est malsain, par contre. Ouais, non, ok, d'accord. Merci de nous avoir appelé, mon pote, t'es adorable. Et y'a pas quoi, allez. On t'embrasse. Bisous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler du job d'été le plus improbable qui existe. On l'a trouvé avec Marion. Oui. Et je peux vous donner un indice, ça concerne tout ce qui est partie génitale, tout ce qui est sexe. Voilà, voilà. C'est très bizarre. Donc on en parle avec vous si vous avez vous aussi fait un job d'été un peu improbable. Bah 01 42 48 5000, vous êtes les bienvenus. On se retrouve juste après le Black M, c'est le tout nouveau. C'est Je suis chez moi sur Fun Radio. Oui, je l'appelle le Black M, mais alors, j'ai envie de le renommer. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je paye mes impôts, moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi. chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi. Je vais l'enfiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser, je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Black M sur Fun, il est tellement bon ce titre. 22h43, c'est Marion et Anso, on est en direct et on voulait parler avec vous des jobs d'été. On y est encore là, en plein été, c'est les vacances, donc peut-être que vous bossez pour vous faire de la thune et c'est tout à votre honneur. On a trouvé un job improbable au JO. Je pense que vous avez vu l'info si vous avez suivi les réseaux sociaux. Anso, l'équipe, est-ce que vous savez que des mecs ont été payés cet été à Rio pour distribuer des capotes? Ouais. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que les mecs, et on va vous balancer la photo sur les réseaux sociaux, la Marion Enso, yes, se baladaient avec des paniers de capotes. Il y en a eu quand même, combien? 450 000 de distribués. C'est un truc de ouf. Aux 2500 athlètes et aussi aux femmes. C'est-à-dire que sur les 450 000, il y a eu 150 000 préservatifs féminins. Pas mal. C'est énorme et je crois que c'est deux ou trois fois plus qu'aux Jeux Olympiques d'il y a 8 ans, je crois. Ah, c'est top, franchement, c'est bien. C'est hyper cool. En fait, c'est une campagne qui a été organisée pour encourager justement les gens à avoir des rapports protégés. Ouais. Et du coup, ça a donné du taf à tous ces mecs-là qui ont distribué des capotes. Mais c'est énorme, ça veut dire qu'entre athlètes, ouais, ça y va, quoi. Entre animateurs radio. Il paraît que, ouais. Il y a des rumeurs qui disent que... Mais t'as des confessions à nous faire, Amir, qui te donnent ça. Ah non, parce que moi, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais il y a des gens, il y a des rumeurs qui disent que certains animateurs radio fracotent avec... Terrain glissant. Voilà, suis-moi. Arrête-toi, très gênant. En tout cas, ça nous a donné envie de parler avec vous là, des jobs d'été les plus what the fuck, les plus originaux ou les plus relous là, que vous faites. Anso, par exemple, est-ce que t'en as fait un, toi, un job? Moi, j'ai fait que de la radio globalement, mais j'avais fait un job pour me faire un peu d'argent. J'avais bossé à Béguinçay, vous savez, l'usine de sucre à Nantes. Blague. Ben quoi? C'est comme ça que t'es devenu diabétique ou pas? Quel enfant, ouais. Attends, mais c'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement. Bah, j'avoue que ironie du sort quand même. Ouais, vraiment... C'est vrai. Ah, j'ai vraiment bossé à Nantes. Mais tu faisais quoi? Puisqu'on fait quoi chez Béguinçay? Eh bien, j'étais, figure-toi, standardiste. Ah. Donc les gens avaient l'occasion de m'appeler. Je faisais Béguinçay Nantes, bonjour. Ah, bah, c'était sympa. Moi qui faisais Béguinçay Nantes, bonjour. Ah, ouais. C'est sympa à faire ça, standardiste, ça va. C'est moins relou, voilà, que. T'étais payé combien? Je sais plus quoi, j'étais payé, je devais être payé 1000 balles au mois. Mille francs, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, c'était encore en francs, ouais. Bah attends, j'avais 15-16 ans, ouais, c'était en francs, quoi. La meuf a 1000 ans. Bah non, mais attends, 1000 balles, 1000 francs quand j'avais 15-16 ans, c'était cool, quoi. Ouais, mais je suis en train de me dire que t'es yeuf de ouf. Bah genre 33 ans la semaine prochaine. 1000 francs, c'était pas dingue. Bah si, c'était bien. Bah non, c'est 150 balles, 150 euros. Ouais, putain, mais les gars, c'est pour ça que je suis pauvre. Bon, en tout cas, appelez-nous là, 01 42 48 5000. Racontez-nous les jobs les plus what the fuck que vous avez fait, ou peut-être des trucs dont vous avez entendu parler. Voilà, on n'est pas fermé. Alors, on revient tout de suite. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le 23 août. Ça veut dire que dans 6 jours, c'est le retour de l'équipe de Bruno dans la radio. Christina, t'as prévu quoi? Alors Bruno, j'ai prévu de venir faire l'émission en maillot de bain et j'ai fait installer un toit ouvrant pour continuer de bronzer en faisant de la radio. Bon, bah, rendez-vous lundi, le 29. Bruno dans la radio revient pour une nouvelle saison. Encore plus dingue. Ça y est, je suis prêt. Rendez-vous lundi matin, dès 6h sur Fun Radio. Salut, c'est Greg. Je vous passe tous vos tubes et toutes vos stars préférées sur Fun Radio. Et vous savez quoi? La vraie star de l'été, c'est Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Avec Sam, vous êtes sûr de rentrer de soirée en toute sécurité. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio. Ce sont Marion et Anso. Moi perso, j'aimerais bien qu'elles soient mes meufs. Mais bon. Le Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. On est là du dimanche au jeudi, 22h minuit. Et ça fait bien plaisir de vous retrouver. La vidéo là, du making-of de la chanson du Night Show arrive, je vous promets. On est sur une longue export pour les geeks qui nous écoutent. Mais je crois qu'on est à un 70%, un truc comme ça. Donc ça va venir. On est exactement à 70. C'est vrai? Ouais. T'as vu ça? J'ai vérifié juste avant. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que t'es con, quoi. Okay, il y a le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer aussi. Et tout à l'heure, on va parler cul. Et ce soir, ça me concerne. J'ai reçu en fait cet été un message, mais alors un message d'un auditeur complètement ouf qui parle de cul. Je vous le lirai tout à l'heure. Croyez-moi, c'est du lourd. Ouais, c'est quand même assez violent. Restez là, bougez pas, ratez pas ce moment quand même. Bah oui, et puis bah là, on parle des jobs d'été un peu foufou. Anso nous disait qu'elle a bossé dans une usine de sucre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas fait beaucoup de jobs. Enfin, j'en ai fait, mais pas des trucs relous, quoi. Je bossais dans l'entreprise de ma mère, de mon père, tu vois, des trucs sympas, quoi. Mais genre, quel genre de boîte? Bah, ma mère, elle était en compta, donc j'étais derrière l'ordi, je classais des dossiers, des archives toute la journée. Et mon père, il était à l'usine, mais comme j'étais la fille du patron, bah, je foutais rien. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est privilège, quoi. Je dis en toute impunité, quoi. Bon, il y a Mathieu de Sainte-Maxime qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Mathieu. Salut les filles, super content de vous retrouver pour une nouvelle saison. Ah, ça fait plaisir. Ça va, Mathieu? C'est clair. Ça va très très bien. T'as 26 piges, toi? C'est ça. Ok, alors c'était quoi ou c'est quoi ton job d'été? Alors ben là, je bosse pas ce soir, mais j'ai pas encore fini. Mmh. Je suis à Sainte-Maxime là pour les vacances et je suis promoteur pour le VIP Room à Saint-Trope. Ah, c'est-à-dire que c'est toi qui racole un peu les gens sur les trottoirs, ouais, pour qu'ils viennent. On n'aime pas trop ce terme là. C'est pas du racolage. C'est quoi? L'objectif, c'est de faire revenir un maximum de monde et un maximum de filles dans la boîte. D'accord. Donc t'es là avec tes petits flyers et puis t'accostes les filles en mode ce soir grosse soirée, venez dans la boîte quoi. Non, enfin, ouais, c'est une autre approche. C'est pas justement le gros bourrin avec son fly qui vient faire de la pub. Ah, tu fais quoi? On essaye de faire comprendre à la fille que c'est une bonne soirée. On l'invite, on lui paye des consos. Enfin, on la fait rentrer un accès sur le côté pour lui montrer qu'elle est un peu privilégiée, qu'elle passe pas comme tout le monde. Enfin, voilà. Mathieu, entre nous, Mathieu. Quand tu proposes des entrées gratos, c'est qu'il y a des bonasses. C'est que des meufs de ouf. Si tu croises Marion et Anso à Cannes, est-ce que tu les invites? Oula, ce blanc est gênant. Alors, je t'explique, ce blanc est très gênant. Il faut une réponse, un oui, un non, un merde. Hein. Mathieu, peut-être moi. Bah, c'est forcément un oui, les filles. Ah, t'es mignon. Mais alors, moi, la question que je me pose, parce que c'est quand même un job qui peut intéresser des jeunes, est-ce que c'est bien payé ou pas? C'est super. Alors, je veux le dire quand même. C'est chaud. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance. Mon parrain connaît Jean Roch. D'accord. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu arriver à Sainte-Maxime et que j'ai pu bosser comme ça. D'accord, mais juste, c'est bien payé. Voilà. C'est-à-dire, je sais pas, moi, c'est payé quoi? Au nombre de nanas que tu ramènes? C'est ça. J'ai un pourcentage des consos, des entrées, etc. Puisque ben, plus je fais venir des jolies filles, plus il y a de mecs qui viennent et consomment. Mais tu dois être super beau gosse. Bah, pourquoi? Je pense qu'au tien. Bah parce que si t'es accosté dans la rue par un gars qui est chum et qui te dit viens dans ma boîte, t'as pas envie d'y aller. Alors que si tu te trouves hyper mignon et que t'as envie de le chauffer un peu, t'as envie d'y aller dans la boîte le soir, tu vois. Moi je pense qu'il faut surtout pas être lourd quoi, être marrant, et parce que nous on aime pas ça les mecs qui nous tiennent la jambe. Un peu lourd, c'est ça. Ok, non, c'est cool. Et ben bon plan mon pote, merci de nous avoir appelé. Franchement c'est énorme, et enfin voilà, j'ai rencontré plein de bombasses et en termes de salaire, voilà, j'ai des enveloppes pour fonctionner, pour tourner, pour payer des coûts, et enfin c'est le kiff. Et j'aimerais bien faire ça à Paris. Je sais pas si après, si je retourne à Paris pour finir mon plan. Demande à Jean-Roch de venir. Oui. Vu que t'es sur un plan, mec, continue. On t'embrasse, Bichon. Bisous, Mathieu. Merci, les filles. À bientôt. Avec plaisir. L'équipe, je vous ai trouvé les premiers jobs de star. C'est le deuxième réfo du soir. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Nous sommes prêts. À votre avis, est-ce que Barack Obama a été marchand de glace? Ah, il me semble que l'info est tombée il n'y a pas très longtemps. Possible. Oui, je crois, oui. Possible. Tout à fait, mais elle est branchée sur l'actu, celle-là. Bah oui. Oui, premier taf d'Obama. Est-ce que Brad Pitt a été mascotte pour un fast-food de poulet? Ouais. Non. Si, c'est vrai. Ouais, j'ai déjà vu dans un truc. Quel gâchis, une mascotte, comme il est beau. Bah, ouais, c'était avant. Ouais, il a pas, à mon avis, il n'a pas tout le temps été très beau, Brad Pitt. Hein. Avant d'être chanteur, Kinvey a lancé sa marque de col V. Non. Est-ce que Jean Dujardin a été serrurier? Premier taf. Ah, c'est possible. Il a la tête. Bah, il y a pas de tête à être serrurier, enfin, Amir. Mais effectivement, il a vraiment été serrurier. Est-ce que Kenji Girac a été figurant dans le clip Caravane de Raphaël? Non, ça c'est faux. Enfin, pas à ma connaissance, mais c'est faux. Est-ce que Johnny Depp a été vendeur de stylos? Premier taf. Non. Eh ben si, c'est vrai. Vendeur de stylos, alors je sais pas où, parce qu'il n'y a pas que des magasins de stylos, ça devait être dans une papeterie, un truc comme ça, mais c'était son premier travail. Non, parce que c'est vrai que ça doit être chiant comme boulot de vendre des stylos, non? Ouais, mais je pense qu'il n'y avait effectivement pas que des stylos. Non, voilà, ça devait être diversifié, tout ça. Les livres, tout ça. Moi, en tout cas, ça m'intrigue vachement, moi. Est-ce que Jean-Marc Morandini a été casteur pour la chaîne Gulli? Vrai ou faux? Oh non. Non, c'est pas bien. Non. Non, ça c'est pas bien, et voilà, on valide pas tout ça, évidemment. Non. C'est tout, hein, j'en ai plus d'autres. D'accord, écoute, merci de terminer là-dessus. Je t'en prie. Il y a Maud de Lille qui nous a appelé là. Bonsoir Maud. Bonsoir les filles. Ça va Maud? Ça va et vous? Ouais, très bien Bichette. T'es encore en vacances toi ou tu as repris le taf? Non, je suis encore en vacances. D'accord, job d'été ou job fixe? Job d'été, très bon job d'été même. Dis-nous, c'est quoi? Alors, ben moi, je suis payée, je suis nourrie, logée, gratuitement, très bien même, pour sortir les poubelles. Ah, quoi? Pour un couple, ouais, un couple très riche sur l'île. Et bah, en fait, mon seul job, c'est ça, de sortir les poubelles parce qu'ils détestent ça. Donc voilà. Ah, mais moi aussi, je déteste ça. Bah, oui, moi aussi, mais je le fais quand même. Bah oui, attends, pour un couple. Ah oui, mais quand on est riche, on a tous les droits. On paye pour rien. Mais attends, Maud, ils sont que deux en plus, ils doivent pas avoir un maximum de. Ils ont des enfants, ils ont 2-3 enfants, mais ils ont une nourrice, ils ont tout. Attends, explique-moi juste ta journée, c'est-à-dire que t'as le double des clés et le soir tu viens chez eux, tu prends les poubelles, tu les descends et tu remets des sacs neufs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Par contre, moi je pense que j'aurais fouillé dans les poubelles. Hein. Mais pour faire quoi? Ah, je suis sûr qu'il va y avoir de la bonne bouffe là-dedans. Ah, mais tu dégoûtes. Amir. Ah, mais mec. Bah quoi, c'est vrai, excuse-moi d'être honnête. Mais tu vas pas faire les poubelles des gens, même s'ils sont riches, on s'en fout. Mais non, mais attends, là c'est pas riche, à mon avis. Est-ce que c'est du très très haut de gamme ou pas, Maud? Oui, quand même, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non mais d'accord, mais c'est pas riche, 10 000 euros par mois quoi. Il jette une côte de bœuf, tu vas quand même pas la récupérer. Bah non mec. Mais quand même, t'es pas mort de faim à ce point. Peut-être qu'il y a alors du caviar, peut-être. Les gars, mais si t'as la dalle, bouffe un sourcil mec, t'en fais pas chier. Non mais sans déconner, il fait peur celui-là. Et alors attends, mais Maud, tu fais ça toute l'année ou et ça te rapporte combien par mois à peu près? Alors environ 600 euros par mois, environ. 600 euros par mois, ah, c'est pas mal quand même. Sans juste compter pour faire ça. La bouffe, sans compter que je suis logée, nourrie, blanchie. Eh bah franchement, chapeau Bichette, parce que t'as trouvé le bon plan. Ah mais carrément, carrément. Merci de nous avoir appelé et d'avoir partagé ça. Je ne partage pas le bon plan là, je le garde pour moi. T'as raison. On t'embrasse Maud. Merci, bisous les filles. Moi j'aimerais bien faire des jobs comme ça qui me rapportent grave de thunes. Tu sais que là j'ai des... Alors c'est pas des jobs d'été, hein, c'est juste des jobs complètement ouf. Tu sais que ça existe, renifleur de paix. En Chine, parce qu'il paraît qu'en fait l'odeur de TP ça peut détecter des maladies. Ah, c'est oui. Payé 50 000 dollars par mois. Truc de ouf. Mais non, mais arrête. Bah, mais en même temps, il faut sentir le fion de quelqu'un que tu connais pas. Je te jure, c'est vrai. Il y en a pas beaucoup alors. Il y en a pas beaucoup, mais il y a aussi nettoyeur d'oreilles, ça c'est en Inde. Il y a des mecs qui sont là toute la journée à faire ça. Et faiseur de queue professionnel, ça j'adore. Quand t'as pas envie de faire la queue à un magasin, les gars le font pour toi. Ouais. Ah, c'est génial ça. Et aux États-Unis, il y a un mec qui gagnait même pas le SMIC, hein, l'équivalent du SMIC en France. Et son job, c'est de maintenant placer plein de gars à lui dans les queues. Et c'est 20 dollars la queue. Ah ouais? Ouais, la première heure. Ouais, c'est pas cher. Ok, là on s'en bat les couilles. Ouais, ça, complètement. Okay. Oui, Enzo. Ouais, en France, il y a un mec qui est payé pour porter des énormes sourcils. Un mec. T'es con, ouais. Mec. Et Pépère, il a fait un job d'été ou pas? Ouais, Pépère, il a transpiré. Oh là. Ouais, si vous vous expliquez que Pépère, c'est le double maléfique d'Enzo. Ouais. Bah, Pépère, lui, il a bossé, il a transpiré dur avec les mineurs, hein, les filles. Hein. Tu veux dire dans les mines? Bah non, avec les enfants dans les centres de loisirs, je donnais ma grosse sucette quand ils avaient faim. Ouais, oui. Putain, c'est pas bien. Moi, j'aime pas quand ça touche les enfants. Moi non plus. Mais personne, hein, je crois, Marion. Bon, bougez pas dans un instant sur Fun Radio, c'est Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et pour participer à l'émission, un seul numéro, il est gratuit en plus, alors on s'en prive pas. 01 42 48 5000 et pour le son, c'est Calvin Harris sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. c'est le Night Show, on est ensemble en direct jusqu'à minuit. Et justement, si vous nous rejoignez, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais finalement, c'est quoi le Night Show? Eh bien, c'est avant tout une bande de potes. Une bande de potes composée de qui? De Thibaut à l'area. Ouais. On a Enzo au standard, il y a Amir des réseaux sociaux, et puis cette petite femme que j'aime tellement, je pourrais lui faire l'amour. Oh, j'aime bien Marion, ça. Cette petite brune à franges. Voilà. Toi, tu te présentes pas, toi? Mais si, moi, la bonasse de l'espace. Hashtag le Night Show pour réagir avec nous sur les réseaux sociaux pendant toute l'émission. Voilà. Hashtag boulard, peut-être. Pourquoi tu m'appelles? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Non, mais je t'appelle pas, connard. Je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Vous gagnez vos sacs à dos Guts dans le Pourquoi tu m'appelles. C'est des sacs à dos qui sont chambés, déjà parce qu'ils sont hyper lookés, et puis en plus ils sont modulables. Donc vous pouvez par exemple enlever cette petite pochette qui est devant. Ainsi vous allez pouvoir en faire plein de choses. Une trousse, un sac à main de soirée, ou alors éventuellement un sac à vomi. Tu fais ça bien en tout cas, hein. Tu les vends bien, je pense qu'ils vont te prendre en attaché de presse. Non mais franchement Guts, ils sont chambés et vraiment ils sont canons. C'est très très pratique un sac à dos. Et celui qu'on entend là souffler dans son téléphone, il s'appelle Samuel et il habite Nîmes. Bonsoir Samuel. Salut les filles, salut toute l'équipe. Salut. Comment va celui-là? Eh ben, bien, et toi? Ben, ça va, t'as 21 ans, toi? Oui, j'ai 21 ans et j'habite Nîmes, dans le Gard. Ah, ben, c'est cool, t'es tout le temps en vacances là-bas, quoi? Oui, c'est bien, ouais, il fait très beau, oui. Tu bosses dans quoi, Samuel? Je suis vendeur dans le prêt-à-porter. Magnifique! Tu veux jouer contre qui ce soir, mon pote? Je veux jouer contre Marion. Okay. Ah, ok, ça me fait plaisir. Bon, alors Sam, pour que ce soit plus facile pour toi, que tu gagnes plus facilement, je vais donner un handicap à Marion. Oui. Et je viens d'avoir une idée. Et par contre, tu vas arrêter de souffler dans ce téléphone parce que ça m'énerve. Pardon. Je vais arrêter de respirer tout court, d'accord. Je viens d'avoir une idée, Sam. Tu me dis, on l'a jamais fait. Amir et Enzo, vous allez faire tourner Marion sur sa chaise. Ouais, pendant, c'est bien, ouais. Pendant tout l'appel, on va te donner un micro pour que tu puisses faire ça. Ouais. Et ils vont te faire tourner pendant tout l'appel. Tu vas devoir faire un pourquoi tu m'appelles en ayant l'envie de vomir. Mais je vais certainement vomir, tu en as conscience. Bah écoute, si tu peux éviter de me vomir dessus, ça m'arrange. C'est pas dangereux de tourner comme ça? Mais non, c'est pas dangereux. Non. On l'a tous fait depuis qu'on est petits, arrête. On branche son casque en dessous, vite fait. D'accord. Vas-y, fais tes branchements et fais ta vie, Amir. Et Samuel, du coup, on laisse Marion commencer, comme ça te donnera une idée un peu du temps que tu devras faire pour l'abattre. Ouais, pas de soucis, ouais, c'est bon. Et bah c'est super. Sam, tu restes avec nous. Les gars, vous allez continuer, vous allez commencer à la faire tourner maintenant, là, allez. Et vous me la faites tourner, mais genre bien quoi. Et c'est... Ah là là, non, c'est terrible. On vous mettra bien sûr la vidéo sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Ah elle tourne. Et non, mais arrêtez, je vais pas y arriver. Mais lancez l'appel. Faites attention. Allez, on appelle tout de suite. Ah, je suis pas bien. Samuel, tu restes avec nous. Tu passeras juste après Marion. J'ai peur que ce soit dangereux. Mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, perdre un neurone. Aïe. N'importe quoi. Ah, je suis pas bien. Elle est calée en médical. Attends, Marion. Attendez, je suis pas bien. J'ai chaud. Vite. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Moi, je t'appelle pas, moi, c'est Johan. Alors, Johan, on est sur un souci quand même assez important, parce que là, mon téléphone vient de sonner, et donc, j'ai décroché. Et là, c'est toi qui es au bout du fil. Donc, la question, c'est pourquoi tu m'appelles? Je pense que c'est une blague, en fait, non? Non, c'est pas une blague. Écoute, est-ce que j'ai le temps de faire des blagues? Il est quand même tard, j'ai autre chose à faire, donc peut-être que c'est un bug, ça, c'est possible, éventuellement, mais c'est tout. C'est un bug, oui, je ne vous reconnais pas, je ne sais pas où vous êtes, je ne vous présente pas, je sais pas. Ça tourne. T'habites où? Allô? J'habite une Guadeloupe. Et alors, je me suis toujours demandé ce que c'est sympa, la Martinique. Non, pas la Martinique, la Guadeloupe. Je vais gerber. Johan, je vais gerber, je suis pas... Allô? Oui, je suis toujours là. Ça va, Johan? Ça peut aller, merci. Pourquoi tu m'appelles? Mais je pense que vous avoir appelé. Alors, Johan, vraiment, là, je sais pas ce qui se passe entre nous, mais je sens comme une connexion. Est-ce que ce serait pas le destin qui aurait mis cet appel au milieu de nos chemins? Non, je pense que c'est juste le digital. Pas compris, là, tout ce que tu as dit, Johan, mais je pense que le cœur y était. En tout cas, ta voix me paraît quand même très sympathique. Et sache que si l'envie de me rappeler te vient, n'hésite pas, Johan. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de soucis. D'accord, on fait comme ça? Oui, mais le numéro est affiché. Il est chaud, lui. Alors, le numéro ne s'est pas affiché parce que c'est un numéro privé, mais éventuellement, parle-moi de toi, Johan. Tu es célibataire? En principe, oui. Mais est-ce que là, c'est pas Énergie, c'est pas Emma qui m'appelle? Ah voilà, mon passé me rattrape, les gars. Non, c'est pas Énergie, mais c'était pas loin, on va lui dire quand même, parce qu'il est adorable, la Guadeloupe et tout. C'est Fun Radio, mon pote. Ok. Voilà. Eh bien, bonjour, Fun Radio. Eh bien, bonjour à vous, bonjour à toi, la Guadeloupe. Bonjour, oui, merci. Johan, on a la dalle un peu en ce moment, non? Comment? Non, même pas. Hein. Il est trop gentil, en fait. Là, même... là je m'apprête justement à aller à la plage. Là. Jette-nous ton bonheur à la gueule. C'était Marion et Anso, mon pote. Tu peux nous retrouver sur YouTube, là, en Guadeloupe, en fait. Hein. C'est le Night Show et tu es en direct sur Fun Radio. Ok. Eh ben merci en tout cas. Et j'ai battu tous les records là. J'ai fait combien Thibaut? 2 minutes 50. Bravo. Ah, franchement avec un handicap pareil en plus. Juste c'était horrible hein. J'ai vraiment tourné pendant quasiment 2 minutes non. Est-ce que vous avez vu aussi Marion qui fait la comédienne pour tomber par terre? Ouais non mais c'est clair. À retrouver sur la chaîne. J'ai pas vraiment exagéré hein. Johan, on t'embrasse et on t'envoie un pack Fun Radio. Et c'est Samuel qui va jouer avec nous maintenant. Oui, il va tenter de me battre. T'es prêt mon pote? Oui, je suis prêt, ouais. Allez, bonne chance, on appelle. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, pourquoi tu m'appelles? Mais attends, elle t'a mis en attente. Tu sais, il y a WhatsApp qui fait ça. Quand t'es au téléphone avec WhatsApp et que tu reçois un appel normal, ça te coupe de WhatsApp. Viens, on fait un dans mon sac j'ai. Et c'est vrai en même temps qu'on l'a testé hier et qu'on s'était bien marré. Les gars, vous voulez pas qu'on fasse un dans mon sac j'ai? Bon, bah Samuel, pour l'instant t'as rien à faire, on va jouer, d'accord? Ouais. D'accord, pas de soucis, ouais. Allez, je commence, hein. Dans mon sac j'ai un dentier. Dans mon sac j'ai un dentier rose. Dans mon sac j'ai un dentier rose flamand. Dans mon sac, j'ai un dentier rose flamand moche. Dans mon sac, j'ai un dentier rose flamand moche et sexy. Dans mon sac, j'ai un dentier rose flamand moche et sexy qui appartient à ma grand-mère. Dans mon sac, mais dis-lui, ouais. Dans mon sac, j'ai un dentier rose flamand moche et sexy qui appartient à ma grand-mère qui est morte il y a 5 jours. Mais non. Bah dans mon sac j'ai mon ordinateur et t'as perdu mec. Oh mon Dieu. Dans mon sac j'ai un dentier. Merde. J'ai pu. Dans mon sac j'ai un dentier rose flamand. Non. Moche, sexy. Ah ouais. Qui appartient à ma grand-mère qui est morte il y a 5 jours. Avec un concombre dans les fesses. Dans mon sac, j'ai un dentier rose, flamand et sexy qui appartient à ma grand-mère qui est morte il y a 5 jours. Et j'ai un concombre dans les fesses que mon frère lui a mis. La famille malsaine. Excusez-moi, on est à 2 minutes 52. Ouais, ouais ça y est, c'est battu. Ouais, c'est battu. Bon, bah écoute, clairement, je crois qu'on peut le dire. Hein. Ouais. Samuel, c'est gagné, bravo! Il a rien fait le gars et il a fait un pourquoi tu m'appelles à 2,52. Mais dis-nous Samuel, t'avais une stratégie ou pas? Oui, je me suis beaucoup entraîné et puis voilà, et ça a payé. Ah bah oui. Et en tout cas on s'est bien marré nous en attendant. Ouais, c'est clair. Tu repars avec ton sac à dos mon pote. Eh bien merci, c'est cool, c'est allez, super. On te fait des bisous. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao. Salut Samuel. Ciao. Dans quelques instants sur Fun Radio, déjà on va kiffer parce qu'on va s'écouter Ken Jones. On adore avec Anso, c'est le son de l'été pour nous. Ah ouais j'adore. Nanana, c'est quand on est joint. On connaît que ça. Et on va surtout parler des particularités physiques parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Un membre de cette équipe a une vraie particularité physique, c'est voilà. Dégueulasse. On en parle juste après Ken Jones sur Fun. Hola, she telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. That I wanna teach, I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. That I wanna teach, I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, sabase. And I said, naboule. No matter where I go, you know I love them all. 23h14, c'est Marion et Anso. On est en direct, c'est le Night Show, c'est la deuxième de la saison 2. J'espère sincèrement qu'il y aura des saisons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi j'ai hâte d'être à la saison 19. On voulait parler avec vous là des anomalies parce que je vous le dis pas tout de suite, mais quelqu'un dans cette équipe a un truc très bizarre. Ouais. On l'a découvert aujourd'hui, du coup on se fera un petit jeu avec l'un d'entre vous tout à l'heure sur toutes les anomalies de cette équipe. Okay. Tout le monde a des particularités, donc si vous voulez jouer 01, 42, 48, 5000 et puis bah, même numéro pour nous raconter si vous aussi vous avez un truc chelou. On a déjà de l'anomalie au standard. Ah, dis-moi une. Tout, oui. C'est Vincent de Montpellier. Bonsoir Vincent. Salut Marion, salut Anto, salut à toute l'équipe. Comment ça va Vincent? Bien et vous les filles? Bah très bien mon pote. Alors c'est quoi toi ton anomalie? C'est que je suis très souple depuis que je suis gosse. Tu es très souple. C'est une qualité ça d'être souple, c'est pas une anomalie. Alors c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème avec tes muscles? Qu'est-ce qui se passe? Je suis né avec deux côtes en moins, tu peux faire. D'accord. Ah ouais, t'es né avec deux côtes en moins et on te les a jamais remplacées. Non, du tout. Bah par quoi? Bah d'accord. Bah je sais pas, par des côtes en polystyrène. D'accord. Ne sois jamais chirurgien, Marion. Mais alors, du coup, la question que tout le monde se pose mais que personne n'osera poser, tu peux te faire du bien à toi-même? Ça peut m'arriver, j'ai essayé, ouais, je peux blécher le bout du gant. Ah mais non. Ouais, carrément. Ah ouais, alors tu sais quoi mon pote, ne bouge pas parce que je pense que tous les gars de France sont intéressés par cette histoire. Vincent peut se lécher lui-même le bout du gland. Teasing de l'année. Bravo Vincent. Ah ouais Vincent. 01 42 48 5000 si vous aussi vous avez des anomalies ou si vous pouvez vous lécher vos parties génitales. Bah oui, on en parle sur Fun dans un instant. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. I'm gonna run. Kungs, Martin Solveig, Lion, Ugel, la radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein! D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Elles sont sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, sur Snap, sur YouTube. Mais elles sont surtout... sur Fun Radio. Tous les soirs de 22h à minuit, Marion et Anso. Night Show. Oui, c'est nous, la brune Marion, la blonde Anso, on est en direct. Et là, on parle anomalie, truc chelou. Là, si vous avez une particularité physique, numéro gratuit 01 42 48 5000. On était avec Vincent. Ouais, alors Vincent, il a une particularité, c'est qu'il est né... sans côte, il te manque deux côtes, hein, c'est ça Vincent? Oui. C'est ça, ouais. Et qui, ça te permet de te lécher le bout du gland. Alors je me suis renseignée, parce que vous savez que j'ai quand même des souches journalistiques. Oui. Et je suis effectivement tombée sur des photos de gens qui arrivent à se faire un début de fellation. Bah oui, tu peux toucher si vraiment t'es très souple et si elle est très grande. Voilà, bon c'est gênant quand même globalement comme photo. Mais du coup, tu le fais souvent Vincent? Ça peut m'arriver, ouais. Ouais mais attends, ça n'a aucun intérêt de se faire ça à soi-même, je sais pas, c'est bizarre, et puis ça doit faire mal au cou, enfin je sais pas, même si t'es souple il y a un moment donné ou non. Pas de courbature, non, ça tout va. Ça d'accord. Non, ça va, d'accord. Puis ça doit être bizarre de s'auto-le faire, est-ce que ça te procure quand même pas mal de plaisir? Moins qu'avec une congé, mais ouais. Ouais, c'est bien. En plus, c'est chic d'employer le mot gonzesse, nous on aime bien ça. Mais surtout, il a bien dit, il peut pas aller très loin, c'est juste le bout du gland, donc ça a pas un énorme intérêt finalement. Tu vois, tu peux pas faire de gorge profonde, tu vois. T'imagines le truc glauque. Merci Marion de rentrer dans les détails. Bah, c'est pour ça que je t'aime. Je sais. Mais écoute, Vincent, longue vie à toi et à ton gland. On t'embrasse, Vincent. Y a pas de soucis, par exemple. Bisous. Bisous mon pote. On s'est branché sur Facebook Live là. On est dans l'émission. Je vous fais des coucous parce que dans un instant on va faire un jeu. On va tous vous montrer nos anomalies et on va jouer avec l'un d'entre vous. Je crois que c'est comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Laurie. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut les filles. Ça va Laurie? Ça va très bien. Merci. Alors avant de jouer avec nous, est-ce que toi tu as une anomalie? Ouais. Alors moi ça me plaît pas. Et je pense qu'en tant que fille, vous allez comprendre, j'ai un clitoris qui est très développé. Ah oui, d'accord, c'est ciblé ce soir. Hein. D'accord. Ouais. D'accord, c'est-à-dire. Ouais, je suis désolée, ça passe bien après. Mais comment ça, développer, Laurie? Il fait jusqu'à 5 cm de long quand je suis très excitée. Waouh! Ah ouais, c'est vrai que ça peut surprendre le partenaire du coup. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Lui, au contraire, ça le surprend pas, il adore ça. Et alors, moi, ça me. Ça m'énerve, tu vois, mais lui, il adore jouer avec et c'est chiant. Je me rends pas compte, c'est une grosse noix, c'est quoi, 5 c'est... Pas mal quand même. C'est gênant. Je veux dire, heureusement que ça ne fait pas tout le temps 5 cm, c'est vraiment quand je suis très, très excitée. Mais voilà, sinon, c'est. Ouais, faut quand même imaginer, quoi. C'est gênant. Si ton mec aime ça et que vous êtes épanouis tous les deux, honnêtement, c'est pas. Personne d'autre le voit, tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, c'est sûr, heureusement, oui. Donc, tu peux porter des jeans slim sans problème. Bah quand même. Bon bah ouais, quand même. Pas de problème. Mais sinon, voilà, boss et tout, bah quand même. Assez... Bon, écoute, merci de nous avoir appelé, Mallory. Tu sais quoi, tu vas jouer avec nous pour gagner un joli pack fun, d'accord? Ok. Je vais te donner une liste. Ce sont les anomalies de l'équipe. À chaque fois, tu vas devoir essayer de deviner de qui il s'agit. Il y a donc Anso, moi-même Marion, Amir des réseaux sociaux, Enzo du standard, Pépère éventuellement peut jouer et Thibaut à l'area, d'accord? Ok. Première anomalie, je peux me retourner les coudes sur commande, à ton avis? On est en Facebook Live, comme ça vous allez pouvoir vérifier qu'on dit vrai. Ah pas, je sais pas. Allez, dis-le Enzo. C'est pas Enzo, chérie. Non, c'est pas Enzo. Deuxième tentative. Mais on peut te donner un indice, déjà c'est un garçon. Oui. J'aurais dit un garçon, voilà, c'est pour ça. Bah allez, je vais tenter Amir. C'est Thibaut qui nous a appris ça. C'est horrible, moi ça me fait tourner de l'œil. Vas-y, fais-le pour la page Facebook Marion et Enzo. Alors. C'est dégueulasse, on va décrire ce qui se passe. Le mec se retourne complètement le coude. Bah c'est ignoble en fait, hein. En plus c'est assez compliqué à décrire. Mais du coup pour vous expliquer, ça fait comme si son bras était un petit peu élastique et qu'il pouvait tourner dans l'autre sens du coude. Donc pour ceux qui peuvent pas voir le Facebook Live, on va mettre une photo sur la page Facebook Marion et Enzo. D'accord, merci Amir. Deuxième anomalie, Mallory, j'ai les doigts tordus. Ça, on l'avait dit en saison 1. Est-ce que tu t'en rappelles? J'ai les doigts tordus. Non, Il y a un indice. Ça m'a pas marqué. Allez, tente. C'est une fille. Je veux dire toi, Marion. Ah bah t'as le pif toi, c'était Anso. Et d'ailleurs, alors en revanche, j'ai pas joué l'auto, ça. J'ai remarqué que c'était assez courant puisque vous avez été nombreux à nous partager aujourd'hui vos photos et qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent le faire aussi. Oui, on va partager les photos, c'est un truc de ouf. Regardez, elle le fait sur la page Facebook, ça me dégoûte. Elle tord son doigt mais genre jusqu'au bout, c'est-à-dire que son index là, il peut tout toucher, je sais pas. Les pouces aussi, ça a toujours été comme ça chez moi, tous les doigts. Ah, c'est horrible. Ouais. Troisième anomalie chérie, j'ai un regroupement de grains de beauté dégueulasse sur la cheville. À ton avis, de qui il s'agit? J'en sais rien. Amir? Toujours pas. C'était Marion. C'est moi. En fait, c'est une tache de naissance que j'ai. Ils se sont tous regroupés. Je vous le montre sur le Facebook. Il y a eu genre, je sais pas moi, une centaine de petits grains de beauté qui sont là sur ma cheville. C'est un petit troupeau. Ouais, on dirait un tatouage qui a mal tourné, quoi. C'est moyen. On aime pas. Tu sais, moi j'ai bien un tatouage foiré dans le dos. Oui, tu peux bien avoir un dégueu sur la cheville. En tout cas, Laurie, t'as pas très envie de le gagner ton pack fun. Ah non, effectivement, là, j'ai un peu de mal. Hein. J'ai les genoux qui se bloquent souvent. À ton avis. Bah, du coup, il me reste qui? Bah, il te reste Enzo et Amir. Enzo et Amir, qui peut bloquer souvent? Bah, c'est Amir, évidemment. Allez, Mais Amir, tu peux pas le faire sur commande, non. On est d'accord? Non, je peux pas le faire. Et surtout, si je le fais, c'est un kiné qui doit me l'en mettre. Ouais, mais c'est vrai que ça t'arrive hyper souvent, c'est dangereux ça, bichon. Ouais. Arrête le sport. J'ai un trou de balle dans le menton, à ton avis. Ah, c'est Enzo, forcément. Enzo, il a tellement un menton chelou. C'est un truc de ouf. Et il a un menton de gavroche. Bah, il a vraiment un trou de balle. On dirait le vrai, quoi. Bon, Mallory, tu as été mauvaise, mais on t'envoie quand même ton pack phone, d'accord? Ah, bah, c'est gentil. On te fait des bisous. Gros bisous. Bisous. Bisous, Laurie, merci de nous avoir appelé, ma chérie. Il y a pas mal de monde aussi au standard, et il y a Axel qui nous a appelé aussi. On le prend, Axel? Oui. Axel, bonsoir. Allô? Oui. Ça va, Axel? Ben oui, et vous? Ouais, très bien. Bichon, c'est quoi ton anomalie à toi? Ben moi, en fait, vous savez, au fond de la gorge, la luette ou la glotte, là. Ouais. Oui. Ben moi, en fait, c'est divisé en deux, et du coup, ça me fait deux couilles. Ah, ouais, je vois, ouais. D'accord. Voilà. Et bon, en même temps, tu la montres pas souvent aux gens? Ben, quand je rigole, ouais, si. Tout le monde la voit. Anne Sol est en train de regarder sur internet. Je suis sûre. Ouais. Glotte, c'est ça. Comment ça s'appelle, glotte divisée? Luette bifide. D'accord. Ah, ça doit être marrant à voir quand même, parce que c'est vrai que. Monte ta glotte, Anne Sol. Ouais, c'est vrai que c'est une boule. Une seule boule. Je vois le délire. C'est une glotte normale, quoi. Ouais, bah écoute, c'est original. Pourquoi pas, mon pote? Mais ça te dérange pas dans ton quotidien, Axel? Bah, non, j'ai juste un surnom. C'est tout. C'est quoi ton surnom? Boulix. Boulix. Boulix. Rapport au pluriel des boules. C'est ça. Mm-hmm. Et alors, qui a inventé ce surnom, Axel? Boulix de ma classe. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est des salopes. Parce que Boulix, c'est vraiment pas recherché, c'est nul. Hein. Et bah écoute, Axel, moi je trouve ça plutôt original. C'est vrai, c'est mignon, ça te donne un style. Sois fier de ta glotte. Ouais. Oui, oui. Porte-la haute, ta glotte, Axel. Ouais, je peux faire une dédicace? Oui, bien sûr. Bah, je fais une dédicace à Enzo, là, qui doit m'écouter. Ok. Voilà. Et ben on l'embrasse. Et c'est tout. Bisous à toi et à Enzo alors. Bisous Axel et on embrasse ta glotte. Bisous. T'es content. N'importe quoi. Non mais c'est vrai, c'est quand même ouf ça. T'as pas d'autres particularités physiques, Amir? Moi? Ouais. Bah non, je pense pas. Ses sourcils déjà, grosse particularité. Bah franchement, non, c'est pas une particularité physique. Hein. En fait, ce qu'il y a drôle avec le visage d'Amir, c'est qu'il y a toutes ces parties qui sont épaisses par rapport à ses traits fins. Il a une grosse bouche, un gros nez, des grosses oreilles, des gros sourcils. Tu vois ou pas? Ouais. Tout est gros chez moi. Ouais. Calme-toi par contre. Qui est con. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Puis on va demander quand même l'avis de Pépère. Il a bien forcément un truc bizarre, lui. Pépère, une particularité ou pas de particularité? Ah, Pépère, ouais, ouais. Et alors... pars pas dans la facilité, truc de tub et tout, Pépère. Hein. Je veux de l'original. Vous savez, Pépère, il monte les escaliers là. Alors dis-nous tout, Pépère, qu'est-ce que t'as? Ah, Pépère, alors... à mon avis, c'est ouais. Ça allait être vraiment bizarre. Mais t'es enlargué ou quoi, mec? T'as non, pas dans ce bon. Ah, vas-y. Bah, Pépère, lui, a un bras plus grand que l'autre. Hein. D'accord, c'est handicapant ou comment ça se passe? Bah non, au contraire, comme ça quand je fais l'amour à mes mères, je peux fister mon fils. D'accord, ouais. Alors tu vois, je savais que celui-là on n'aurait pas dû le faire. Déjà il était pas prêt, il était pas inspiré. Et en plus il est horrible. Non mais attends, parce que vous le voyez pas dans le studio, mais même Pépère a honte de lui en fait. Cache-toi Pépère. Bon allez, c'est le retour du Je te demande pardon qui débarque dans un instant sur Fun Radio. C'est le premier Je te demande pardon de la saison 2. Marion et anne-sor@funradio.fr pour vous inscrire. On revient juste après Môme, c'est Aloha sur Fun. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, so. The unknown. Something more. avec Marion, bah, comme tous les soirs, du dimanche au jeudi. Et avec Marion, on a un petit rituel maintenant, après l'émission. C'est ça que je la force à me ramener chez moi. C'est ça, parce que madame n'a plus d'argent, donc elle ne peut plus prendre de Uber remboursé par Fun Radio. Hein. Mais non, ça, elle ne peut plus. Bah non, mais il faut l'avancer, en fait, cet argent. Bah, et alors ? Mais je ne peux pas. Hein. Tu crois que c'est quoi, Los Angeles et San Francisco ? Tu crois que c'est quoi ? Bon, en tout cas, avec Marion, on en profite pour faire des snaps dans la voiture. Donc vous pouvez nous suivre sur Snap, Marion et Anso, et on va vous faire un best-of Snap comme l'année dernière sur nos réseaux sociaux. Voilà, et je vous cache pas que c'est pas joli, joli. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Je te demande pardon. Si jamais vous avez fait des conneries là pendant l'été, si vous avez trahi quelqu'un, manqué de respect à quelqu'un, je sais pas, moi, fait une grosse boulette, cette séquence, elle est pour vous, le je te demande pardon. Et ben, c'est plusieurs fois par semaine sur Fun Radio dans le Night Show. En gros, le principe est simple, vous vous excusez en direct à l'antenne. Non seulement ça passe mieux parce qu'on est là, on fait passer la pilule, et en plus, on vous offre quoi cette semaine, Anso? On offre votre PS4 avec le jeu No Man's Sky. Est-ce que t'aurais un truc à te faire pardonner de cet été, toi, Marion? Bah, pas forcément, non, j'ai pas fait de boulette, moi, cet été. Bon, bah, c'est bien. Et toi? Eh bien, moi non plus, figure-toi. T'es sûre? On n'a pas tout dit encore. Et c'est Steve de Paris qui est avec nous. Bonsoir Steve. Coquine. Ouais, bonsoir, bonsoir toute l'équipe. Ça va Steve? Ouais, ça va, ça va. Ça nous fait plaisir de t'entendre Steve, tu nous as manqué. Ouais. Ah bah oui. Ah, merci, vous nous avez manqué aussi à tout le monde. Mais est-ce qu'on t'a manqué à toi? Ouais, bah énormément évidemment. Bah oui, il a pensé à nous tout l'été Steve. Mais c'est sûr. Est-ce que t'as plus pensé à Marlon ou à Anso? J'ai pensé à Marceau. Pas mal. Tu veux t'excuser auprès de qui ce soir, mon pote? Alors, je vais m'excuser auprès de ma copine. Je vais lui demander pardon parce que j'ai fait justement, on parlait de boulette, une grosse boulette hier soir. Bah, je suis encore en vacances là. Mm-hmm. Et elle allait rester du coup en région parisienne pour bosser son job d'été. Enfin, un job d'été, disons que comme elle n'a pas trop de boulot en ce moment, elle a trouvé un job là pour cet été, donc elle n'est pas partie avec moi. D'accord. Donc du coup, moi, je suis parti avec des potes en Espagne et hier, en fait, il y a une soirée avant-hier où il y a une nana qui m'a un peu chauffé, etc. Oh là là. Moi, j'ai laissé tomber tout de suite parce que voilà, j'ai pas voulu rentrer dans ce truc-là. Et le lendemain, elle est revenue à la charge. Bon, et donc du coup, avec l'alcool, etc., la soirée faisant, du coup, voilà quoi. Mais voilà, t'as couché avec elle? Non. Voilà, ouais, si. Quoi? Bah ouais. Mais Steve, mais tu peux pas. Mais pourquoi tu veux le dire? Bah oui. Bah je veux le dire parce que je veux être honnête et en fait je l'appelle tous les soirs et du coup je l'ai appelé hier soir avant que ça se passe et du coup là depuis journée là c'est... Alors, je suis Steve, en galère de. On vous en a déjà parlé l'année dernière et je pense qu'on n'a pas changé d'avis depuis cet été. Moi je suis quand même pro pour ne rien dire. Ah, moi aussi, je valide pas ça du tout, là. C'est pas possible. Alors, pourquoi? Parce que Marion et moi, on adore l'honnêteté, évidemment, mais enfin là, ça ne sert strictement à rien. Cette nana, tu la reverras plus jamais de ta vie. Tu risques de foutre ton couple en l'air et surtout de briser toute la confiance que t'as avec ta nana. Complètement. Ouais, enfin, en même temps, là, je m'en veux à bloc, donc du coup, je veux pas rester là-dessus. Et je sais que quand je vais rentrer, je vais pas être. Je risque de. Enfin, je sais pas. Puis je veux pas qu'elle le sache aussi plus tard, là, je suis avec des potes. Bon, il suffit qu'il y ait une boulette de. Globalement, on va pas se mentir, Steve, tous les gens qui sont en train de nous écouter sont en train de dire mais qu'elle ferme leur gueule, qu'on l'appelle et qu'on le dise à sa meuf. Ouais, mais bon, on vous connaît. Hein? Ça va finir sur une rupture cette histoire, mais on t'aura prévenu, Steve, c'est ton choix. Tu peux encore reculer, est-ce que tu veux le faire? Non, je veux lui dire, franchement, je veux lui dire. Bon, de toute façon, on est là pour te soutenir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Julie. Ok. Ouais. Allez, c'est parti, on appelle Julie. J'ai très peur, hein, en vrai, hein, Steve. Là, tu risques gros, mec. Hein. Je suis pas bien. Allô? Allô? Allô bébé? J'espère que ce soit toi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, super, impeccable. Ça se passe toujours aussi bien. Ouais, tu me manques. Bah ouais, toi aussi, tu sais, mais... Voilà, c'est... Voilà, enfin, je t'appelais, du coup, ouais, la journée s'est bien passée, comme d'hab, quoi, les... Et toi, ta journée? Oh, ça va. Je suis un peu chaud quand même en ce moment, et c'est... Ouais, je me doute. Non, bah ouais. Du coup, je t'a... Enfin, voilà, là, je suis un peu... c'est un peu bizarre, là, parce que je suis au téléphone, là, comme ça, parce que j'y ai pensé toute la journée, là. Et... Allô? C'était manqué à ce point? Ouais, tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, je vais t'expliquer l'histoire dès le début, ce sera plus simple. Je vais, du coup, là, en Espagne, avec les potes, là, bah, tu sais, voilà comment ça se passe. Hein, eux, il y a la moitié qui sont célibataires, etc. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ça, c'est pas mon problème. Mmh. Et en fait, avant-hier, il y a une nana qui m'a un peu chauffé, mais ça, voilà, moi, par rapport à toi, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà, j'étais. honnête, etc. J'ai dit stop, basta. Et par contre, elle est revenue à la charge hier soir. Et par contre, hier soir, on a un peu plus chargé avec les potes, là. Et du coup, à un moment donné, ils sont partis. Et moi, je suis resté avec elle, etc. Donc, c'est tout, sans rester là. Et tout d'un coup, elle m'a embrassé. Voilà, je préférais du coup... Voilà, elle a tapé direct et te le dire direct, et en même temps je suis trop mal par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais te l'annoncer, je voulais pas te le dire par téléphone, en même temps toute la journée j'ai pensé qu'à ça. Je sais pas si c'est... De toute façon je vais pas me cacher derrière l'alcool, voilà en fait, en fin de compte on a été jusqu'au bout, j'étais jusqu'au bout avec cette nana, et du coup je voulais te l'annoncer là, mais je suis désolé quoi. Donc... T'as été jusqu'au bout avec elle? Ben en gros voilà quoi, hier soir... C'est quoi que t'appelles jusqu'au bout avec elle? Ben, c'est que voilà, il n'y a pas eu que le fait que je l'ai embrassé, pas qu'elle m'ait embrassé au départ, c'est qu'après ça s'est emballé. Et... Ben, ouais. Mais c'est gentil de me l'avoir dit, c'est trop aimable à toi. Mais sinon t'aurais pu aussi c'est ne pas coucher avec elle, non? Tout à fait. Enfin, je sais pas, ça fait juste 4 ans qu'on est ensemble. Je te laisse partir avec tes copains parce que j'ai confiance en toi. Je me dis que voilà, ça fait des années que t'es pas parti avec eux. Toi, tu sautes sur la première qui vient, quoi. Mais ouais. L'histoire, c'est complètement débile. Et c'est pour ça que toute la journée, là, je suis même pas sorti de la chambre. Je suis resté à réfléchir, à dire voilà, à dire la connerie que j'ai faite. Là, franchement, je le regrette à bloc, quoi. J'espère que tu le regrettes, quoi. J'espère bien. Putain. T'es pas sérieux. J'ai même plus envie de rester ici, moi je veux rentrer là, franchement, mais... Non mais reste-y en fait, je crois que c'est pas bien que je rentre. Aïe aïe aïe, voilà, on l'avait dit, on l'avait prévu. Et donc tu m'appelles, t'es avec elle? Non, pas du tout, Julie, bonsoir, on va se présenter, on est Marion et Anso, et tu es en direct sur Fun Radio. Ah, c'est pas du tout pour t'afficher, c'est pas du tout pour faire une blague. Ton mec, il est en vacances, mais il nous a appelé. Il est au plus mal parce qu'il a fait la boulette, t'as entendu hier. Et du coup, il s'en veut. Il voulait absolument être honnête avec toi et assumer son erreur devant tout le monde, ce qui est plutôt positif. Et aussi, peut-être, nous demander un petit coup de main parce qu'on est des nanas, quoi. Non, mais c'est ça. Julie, il faut que tu te dises aussi qu'il aurait pu aussi bien le garder pour lui parce que personne n'en aurait jamais rien su. Oui, mais il aurait pu aussi ne pas coucher avec elle. Ouais, mais chérie, en 4 ans, il a fait une boulette, c'est pas bien. Évidemment, on cautionne pas du tout l'infidélité, il n'y a pas de souci. Mais t'as jamais fait d'erreur dans ta vie, toi? Franchement, tout le monde en fait de temps en temps. Si, mais je l'ai jamais trompé. Ouais, je comprends. C'est dur de pardonner comme ça, il vous faut du temps aussi, là. Elle va pas lui dire, ok, je te pardonne, salut, tout va bien. C'est pas après, possible. L'avantage, Julie, c'est que t'as le droit de le tromper quand tu veux. Enfin, t'as un joker, Julie. Non, c'est pas le moment de faire de la veine. Non. C'est marrant, bon. Ça prend pas. Même dans le sujet, c'est gentil. Chérie. Julie, on va vous laisser régler ça tranquillement hors antenne, mais juste ton mec, il est sincère et il était vraiment mal. C'est-à-dire que c'est pas un mec voilà, qui s'en bat les couilles de toi, qui a fait son truc parce que vous êtes pas ensemble. Non, c'est un mec qui a fait une boulette à cause de l'alcool et voilà, il est pas bien. Prends ça en compte, ok? Mais tu sais, Julie, avant de t'appeler, il nous a dit qu'il t'aimait vraiment énormément, que t'étais la femme de sa vie et tout ça, et que tu vois, il regrettait vraiment, il en a gros sur le cœur, il regrette vraiment, il voulait le dire devant toute la France, quoi. Donc on vous laisse régler ça, et je sais pas à quel moment on annonce pour la PS4. Hein. Oh mec, t'as gagné une PS4, hein, mais on va pas non plus... Ouais. Allez, les gars au standard. Oh, c'est bon. Non, après, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de planètes dans ce jeu, et je crois qu'il y en a plus de 10 millions. Comment il s'appelle le jeu? No Man's Sky. No Man's Sky. Tu vas pouvoir visiter beaucoup de planètes. On vous envoie ça à la maison, mais surtout, on vous laisse en antenne, et on reprendra des nouvelles de vous. Julie, réfléchis bien, mais ton mec, honnêtement, il a l'air très sincère, donc voilà. Ok. Ouais. Il a fait une connerie, ma chérie. Écoute-le, on vous laisse hors antenne tous les deux discuter, d'accord? À tout de suite. On vous embrasse. Bisous. Bonne soirée. Ouais, non, mais les gars, moi j'avais dit qu'il fallait pas le faire aussi. On l'avait prévenu. Et ben voilà. Alors. Marion Yann Soir, funradio.fr pour vous inscrire au prochain. Je te demande pardon et dans un instant, on va parler cul. Avec ce message que j'ai reçu sur Facebook, je vous en parle depuis le début de l'émission, le message de l'année. Ah non, mais c'est le truc le plus trash que j'ai jamais entendu. C'est un mec en fait qui voulait faire des choses sexuelles avec moi et qui m'a tout simplement envoyé « J'ai envie de te poncer l'œsophage ». Voilà, pour dire « Je veux une fellation ». En même temps, bon c'est vrai qu'on ne pense pas à poncer. Non, on ne pense pas, non. 01 42 48 5000, on parle des manières un peu directes et trash comme ça de parler cul juste après The Chainsmoker sur Fun. Ça va être sympa. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends. friends, it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Un bisou à tous les gens qui s'inquiètent pour moi et ma lèvre opérée ce matin. Je lis vos messages, enfin votre message parce que j'en ai eu un. Je voudrais te rassurer. Ça va, j'arrive à parler. Merci de penser à moi. Je mets un petit peu de glace de temps en temps. Je m'en sors comme je peux, quoi. C'est vrai, mais non, mais c'est vrai que la pauvre, en vrai, vous la voyez pas. Enfin, vous l'avez vu un petit peu sur le Facebook Live qui est toujours dispo d'ailleurs sur notre page Facebook Marion et Anso. Mais c'est vrai que t'es quand même assez enflée et t'as mal. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ils m'ont mis des fils résorbables. C'est comme ça qu'on dit, hein, à l'intérieur. Ouais. Donc, ça a l'air des fils de points de couture là qui vont partir tout seul. Sauf que ça me gêne vachement parce qu'ils commencent déjà à partir tout seul. Qu'est-ce que j'ai dit? Des fils de points de couture. Pourquoi t'inventes sans cesse des mots? Mais comment on dit des fils de couture? Non mais des fils, point, c'est tout. Et bah voilà, et bah du coup ils me gênent et ça rentre partout et voilà, c'est dégueulasse. Oh là là. Mais un peu de compassion, mince. Mais moi quand je l'ai eu, est-ce que j'ai eu un petit peu de compassion comme ça, moi? Oui, mais toi par définition t'es un garçon et vous les garçons, quand il vous arrive quelque chose, c'est en fois pire. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un rhume, vous êtes au bord du décès, vous vous faites opérer, c'est voilà. Et comment on fait, nous, quand on accouche d'enfants de 4-5 kilos hein? Surtout qu'avec Anso, ça nous arrive souvent d'accoucher. Hein, est-ce que tu penses à nous dans ces cas-là? Non, mais c'est bon, vrai. En parlant d'accouchement et de tout ça, parlons cul. On y vient. J'ai reçu cet été un message, les amis. Bon, bah, l'apothéose. Truc de fou, je l'ai envoyé direct à Anso. C'est un auditeur, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Fabrice. Ou fa quelque chose. En tout cas, bah, hyper sympa, mais il m'a juste envoyé « J'ai envie de te poncer l'œsophage oui. ». Voilà, donc j'en ai déduit que ça voulait dire « En gros, j'ai envie que tu effectues une fellation sur moi ». Voilà, et de manière profonde, visiblement. Voilà, et j'ai trouvé cette expression complètement déplacée, trash évidemment, et inappropriée. On ne dit pas ça quand même. Non, effectivement, on ne dit pas ça, mais on peut le dire aussi dans un cadre drôle. Quand on connaît la personne, ça peut être plutôt marrant. Oui, c'est vrai, mais enfin, moi, ça ne m'excite pas, personnellement, non. Recevoir ça. Non, mais attendez, parce que je vous explique. Parce que toi, tu as reçu ça. Bon, effectivement, c'est un parfait inconnu en plus. Oui. Donc, c'est quand même très bizarre. Tu n'allais pas lui répondre volontiers. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Mais alors, visiblement, dans cette équipe, tu n'es pas la seule à avoir reçu des propositions comme ça de manière vraiment peu élégante, quoi. Ouais. Ah, bah, je sais, tu veux parler de Thibaut, notre Réa. Ah, mais Thibaut, notre Réa, il a le truc, mais même moi, je suis surchoquée. Et pourtant, vous savez que pour me choquer, il en faut beaucoup. C'était quoi, toi? Alors, c'était avec une fille avec qui t'étais ou c'était un plan cul? Non, c'était une fille sur Tinder. D'accord. Et donc, c'était, vous étiez parlé beaucoup ou pas? Ouais, franchement, genre pendant 2 semaines. D'accord. Genre vraiment beaucoup, quoi. Et d'accord. Donc, elle te plaisait grave, quoi. J'étais bien, elle m'avait envoyé quelques photos, machin. Et d'un coup, elle m'envoie un message. Et elle commence à me dire... Non mais attends, parce que c'est dégueulasse. Si vous êtes jeune, surtout à ne pas prendre en exemple. Non. Voilà, je l'ai dit. Vas-y, c'était quoi? Bouffe-moi le rideau de viande. Oh. Voilà, qui veut dire évidemment, fais-moi un cunilingus. Mais alors, je comprends pas, parce que attends, je comprends tout à fait l'image que t'as pu recevoir par mail. J'ai envie de te poncer l'œsophage. J'entends bien, il y a une notion de bouche, de gorge et tout ça. En revanche, le rideau de viande, ouais, c'est vraiment crade, quoi. C'était une viande saignante? Oh, non, mec, t'es plus sur de la bavette là. Oh, non, mais je comprends pas. Une fille, normalement, c'est quand même censé être un peu, je sais pas, sensuel, glamour. Tu peux pas dire un truc pareil. Oui, Thibaut. Mais je me suis toujours demandé, ça se trouve, c'est un mec. Parce qu'en fait, au final, cette nana, vraiment, je l'ai jamais vue. Parce que quand elle m'a envoyé ça, c'était non. Mais ça se trouve, je me suis dit, c'est un mec. Enfin, ça se trouve, je me suis draguée par un mec. Et puis, enfin, je sais pas. Ah ouais, c'est ou pas alors, une phrase de meuf, quoi. Une nana qui s'amusait avec ses copines, tu vois, qui sera la plus trash, peut-être. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Moi, je m'amuse beaucoup avec mes copines sur Tinder. Et bah, c'est pas sympa. Ouais. Non, mais j'envoie jamais de trucs comme ça. Mais tu testes un peu le garçon et du coup, t'as répondu quoi? J'ai répondu ouais, carrément, je te ferai ça avec plaisir. Je sais plus ce que j'ai dit. Le mec, il est mignon. Je suis rentré dans le jeu. Il a paniqué. Mais je voulais pas la vexer, imagine, c'était un vrai truc. J'aurais voulu rentrer dans un jeu un peu gore et tout. Bah non, pas moi. Oh, ouais. T'es trop mignon, mon Thibaut, je t'adore. Bon, en tout cas, on parle des trucs trash. Anso, je sais que t'en as toi aussi. T'as eu plein de propositions. Amir aussi, 01 42 48 5000. Si vous aussi, on vous a déjà dit comme ça des trucs un peu gore pour parler cul. Ou si vous-même, vous avez utilisé des expressions que vous aimez bien. On vient tout de suite sur Fun et on parle sexe. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Inox, put your hands on. Hey. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Niels Van Zandt. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Niels Van Zandt. Chucky. Toujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 32-28. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Let's go. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le Night Show chaque soir. Turn up your radio. Merci. Je vous dis, je pourrais chialer. De 22h à minuit. Marion et Anso font leur Night Show sur Fun Radio. Et ce soir, on parle plus comme tous les soirs avec l'équipe parce que j'ai reçu un message un peu trash cet été, on peut le dire. Un auditeur m'a proposé, m'a demandé de lui poncer l'œsophage. Voilà. Non, il t'a proposé que lui te ponce l'œsophage. Est-ce que je peux te poncer l'œsophage? Oui, parce que c'est vrai que l'inverse est chelou. L'inverse est bizarre. Du coup, on vous pose la question, la 01 42 48 5000, les pires expressions pour parler cul. Et on remercie Tom, qui est un auditeur qui nous a envoyé justement un top. C'est quoi, cet hôpital qui fait ça? Non, c'est sur quoi9.fr. Et il a envoyé les tops des pires expressions pour dire faire l'amour, mais il y a des trucs vraiment trash. Par exemple, pour faire l'amour, il y a lui exploser le terrier, planter le javelot dans la moquette, lui meringuer la tumeur. Non. Lui meringuer la tumeur. Ouais, non, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, mais c'est horrible. Lui loutonner la cressonnière, lui débroussailler la tranchée, enfin bref. Et il y a aussi les pires expressions sur la sodomie. Je vais me faire chocolater le Kinder. M'ajouter le pingouin. Non, mais c'est terrible. C'est horrible. Les pires expressions sur la fellation. Je vais lui décaloter la glotte, lui détartrer le larynx, lui repeindre l'œsophage. D'accord. On est là aussi. Et voilà. Et les pires expressions sur la capote aussi. Mettre le cache-nez à l'enrhumer. Ouais. Mettre une moumoute au petit chauve, pas mal. Tout mignon. Passer les menottes au manchot ou je vais passer le chat d'or au muezzin. Je ne sais même pas ce que veut dire ces deux mots. Non mais donc voilà. Sans déconner, même si parfois vous avez envie d'être original, ce que je peux comprendre, parfois on a envie de changer, pimenter tout ça, ça il faut bannir. Ça n'excite personne. Non. Enfin, je sais pas, moi je reçois ça, je me dis bah non, en fait, t'es un ouf. Je sais pas. Il y a peut-être des gens que ça excite, tu vois, j'ai pas envie de faire de généralité, mais enfin quand même, la majorité des gens, non. Bah, par exemple, si je te dis Marion, je vais triturer la marmite, t'as pas envie d'y aller. Voilà, non, j'ai pas envie d'y aller du tout. Bon, on vous a posé la question à vous au 01 42 48 5000 et il y a déjà pas mal de réactions. Il y a Adrien de Thiers qui est avec nous. Bonsoir Adrien. Oui, bonsoir toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver ensemble, les filles. C'est mignon, Adrien. Racontez-nous. Ouais. Bah, c'était en pleine journée. Je sais pas, un peu comme tous les mecs, hein, je commence à un peu avoir envie de ma copine, un peu pour rien. Sans truc qui fait que, mais voilà. Et au bout d'un moment, je l'ai pris entre les deux yeux, comme ça, et je l'ai regardé, et je lui ai dit « Tu veux pas venir me lustrer l'asperge pendant que je te désable la moule ?» Mais non, mais alors... Mais ça, en plus, c'est forcément une expression que t'avais préparée à l'avance, parce que ça peut pas venir en impro. Franchement, même pas. C'est sorti comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais... Alors, et puis, en plus, étant de nature cuisinier, bah, asperges, moules, voilà quoi. Tu sais quoi? Redis-la, on va te balancer la musique James Blunt. Redis-la doucement et calmement, là, comme si on était ta meuf, pour voir ce que ça donne. Vas-y. Dis-moi, chérie, tu veux pas me lustrer l'asperge pendant que je te dessable la moule? Oh non! Bah non, je suis désolée. Mais c'est pas possible, mais tu sais que moi, là-dessus, je te quitte. Ah ouais. Mais, non, mais non. Surtout, le mot moule, pour parler du dos, c'est le pire. Ouais. Ah, je sais bien. Oh, l'asperge pour la table, c'est pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, c'était courageux de venir nous raconter ça sur l'antenne. Merci, mon pote. Attends, mais elle a dit oui. Bah, je pense, c'est ça. Ah, bah, du coup, vous avez entendu la réaction de... Danso derrière qui est parti en fou rire, c'est un peu ce qui s'est passé après. on a bien rigolé. Après, cela dit, quand t'es en couple depuis suffisamment longtemps et que t'entends ça, ça peut être plutôt drôle. Quand t'es surpris et que ça arrive jamais. Non, si ça fait un moment, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc. Ouais. Ok. Je me suis un peu permis. Ouais, bah, ça passe, Adrien. Bah, bonne continuation à toi. Si tu veux, je t'envoie. Ouais, bah ça marche. Le top des pires expressions. On t'embrasse. Ça marche. Bon, allez, bisous. Je vous embrasse, les filles. Bisous à toi. Salut. Il y a Loïc aussi à Calais qui est avec nous. Bonsoir, Lolo. Salut Marion, salut Anto. Ça va Loïc? Ouais, ça va, nickel. Tout se passe bien à Calais? Oh ouais, parfait, parfait. T'es en couple toi aussi ou pas? Ouais, ça fait 4 ans. D'accord, alors est-ce que t'as dit un truc à ta meuf ou entendu quelque chose de spécial? Ouais, alors moi c'est... je pense que vous l'avez déjà entendu, mais moi un coup de temps en temps, quand j'ai envie d'une petite sodomie, je dis ma chérie, prépare ton trou de balle, je vais te défoncer la rondelle. Ah oui, bah oui. Excusez-moi. C'est un peu classique, mais ça marche bien, ouais. Ça. Mais surtout, au-delà d'être classique, il n'y a aucune subtilité, en fait. Non, mais bon, c'est vrai que celui-là, on l'entend souvent, la rondelle, bah oui. Non, mais je veux dire, je vais te poncer l'œsophage. C'est-à-dire que c'est quand même plein de sous-entendus. Là, je vais te péter la rondelle, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune imagination derrière. On n'a pas dit qu'il fallait être subtil, on a dit qu'il fallait être clair et voilà, un peu trash. Donc non, ça marche, mais moi, je suis ta meuf, je suis désolée, j'aime pas du tout entendre ça, quoi. Je sais pas comment elle a réagi, mais bon. Non, mais ça marche pas mal, ça marche plutôt bien. Ouais, okay. Ça marche plutôt bien. Eh ben écoute, ça marche bien. Grand bien t'en fasse. Bah écoute Loïc, bonne continuation sur la route. Sur la route. Et embrasse okay. La rondelle de ta meuf, évidemment. Ok, ça marche. Bisous. Merci les filles, bisous. Ça va pas toi, Marion. Il y a Céline aussi de Nantes qui est avec nous. Ah, elle est de chez moi, je suis contente. Bonsoir Céline. Salut Marion Enzo, salut toute l'équipe. Ça va Céline? Bah oui, top et vous? Bah ouais, très bien, mais je suis un peu inquiète d'avoir une fille avec une jolie voix comme ça sur ce sujet. J'espère que c'est pas toi qui as dit un truc trash. Bah, c'est un petit délire qu'on a avec mon mec. Ah, raconte. Du coup, quand des fois j'ai une envie soudaine et que j'ai pas trop le temps, bah, je dis à mon mec, bah écoute, ça te dit on fait un petit fast-foutre. Oh non. C'est génial. Oh non, mais c'est affreux. Ah non, c'est génial, c'est drôle. C'est comme ça, il comprend qu'il faut y aller direct. Quoi. Ah ouais, d'accord. Allez, c'est-à-dire, c'est 2.0, moi j'aime bien. Non mais c'est très marrant, mais ça manque d'élégance. Mais ton mec, il dit rien. Ah bah non, il est content lui. Ça le fait marrer lui. Bah c'est ça. C'est notre petit truc à nous. Les mecs dans l'équipe, une nana qui parle comme ça, qui même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble et tout, elle vous propose un fast-foutre. Par exemple, Amir, est-ce que toi ça te débecte ou tu kiffes, ou ça te fait marrer? Ouais, je pense que je rigole, mais ça me fait rire. Ouais, ça passe. Mais pour rire, hein, de l'humour, tout ça. Oui, ouais, c'est ça. Mais quand t'es en couple, je pense que ça passe, c'est marrant. Mais oui, quoi. Thibaut, à l'arrière, est-ce que toi avec ta meuf, c'est combien de temps que t'es avec ta meuf d'ailleurs? On sait pas. Merde, putain. Ça fait 2 ans. Non, ça fait 2 ans un peu plus. D'accord. Et est-ce que parfois vous avez des mots comme ça pour dire vous avez envie de faire l'amour? Non, moi c'est pas mon délire. Genre avec une meuf, genre un soir, ça peut me faire marrer. Mais genre ma meuf, elle me dit ça, non. Pas mon délire. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Si t'es pas comme ça dès le début, tu vois, si au bout de 2 ans la meuf elle te dit viens, on se fait un fast-foutre, tu sais, ça passe pas. Faut direct être dans le délire, annoncer la couleur, tu vois. Cela dit, moi ça me fait marrer, Céline. Franchement, pas mal. Hein. Ouais, Céline, on te félicite pour cette originalité. C'est gentil. On t'embrasse, Céline. Allez, gros bisous à toute l'équipe. Bisous, bisous à ma belle. Il y a Pascal aussi qui est avec nous. Bonsoir, Pascal. Oula, Pascal, tu captes mal. Moi, j'ai été choqué. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? Ben, j'ai une nana que je connais depuis pas mal d'années. C'est une, comme on dit, une putain de bombasse. Hein. Ouais. La petite nana qui tord bien du cul dans la rue. Enfin, la petite fille bien mise, quoi. Ouais, ouais. Et elle m'a téléphoné directement à moi. À moi, en principal, et puis elle m'a, voilà, j'ai été choqué parce qu'elle est venue me, par téléphone, elle m'a, donc je la connais intimement, quoi, sans plus, elle m'a demandé quand est-ce que je venais lui exploser la vulve. Ah oui, non, Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, mais alors, cela dit, c'est un mot médical, ça devrait pas être dégueulasse. Vulve, ouais, mais j'ai été choqué. Bah oui, je comprends. Du coup, tu y es pas allé, Pascal? Ben non, je suis pas allé parce que 2 jours après, la même, elle me rappelle. J'ai dit, bon, écoute, chérie, tu me lâches, parce qu'à un moment donné, c'est bon, ta vulgarité. Elle m'a demandé quand est-ce que j'aimerais lui pousser le colombin. Oh là là! Quelle horreur! Et pourtant, c'est une nana, tu la vois, c'est un petit canon. Elle est petite fille bien mise, bon chic, bon genre. Tu vois le langage, quoi. Ah ouais, d'accord. Et ben écoute, t'as bien fait de résister. Eh ben, j'étais toute retournée, je te promets. Bah oui, je comprends. On aurait été toutes retournées à ta place aussi, Pascal. Ça m'a mis à l'envers. Bon, bah écoute, tu sais quoi, respire, Pascal, on est avec toi. On t'embrasse et pas de vulve entre nous. Anso. Oui, Anso, c'est bon. Oui. J'ai un petit truc à te dire, ma chérie. Oh, j'aime quand tu me parles comme ça. Vas-y, tu peux m'écouter 2 minutes, tu le prends que pour toi. Dis-moi. D'accord? J'ai peur. Hein. Dis-moi, Pascal. Si mon cœur était un encrier et mes doigts une plume, avec 3 gouttes de mon sang, je te rirais, je t'aime. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh là là. Ah ouais. Alors, Pascal, tu as quel âge? 42 ans, j'habite à Perpignan. Et t'es célibataire? Tout à fait. Ah bah, il faudra qu'on organise la rencontre Anso Pascal un jour ou l'autre. Ah bah écoute, ma chérie, je suis régulièrement sur Paris. Ah. Parce que je suis chauffeur routier. Ouais. Donc la semaine prochaine, je vais à Thiers, exactement, à la Seigna. D'accord. Ouais. Ah bah, il faut passer par le studio. Donc je décroche mon camion et je viens au studio. Avec plaisir. Pascal, tu sais quoi, tu vas laisser tes coordonnées au standard et on va s'organiser ça. Ça nous fera hyper plaisir de te rencontrer. Ah ben bien sûr. Plus attends, que je t'explique. 1m80, 75 kilos, tatoué, 14 tatouages, la bonne gueule du bon brigand. tout à fait ce qu'elle aime, Sophie, quoi. D'accord. Ouais. Franchement, tu fais plaisir, mon pote. Je te promets, on te la présente dès que tu passes dans ce studio, ok? Ah ben moi, j'attrape, j'ai la main en l'air. Hey, Pascal, je reste quand même une petite chose fragile. Détends-toi quand même. Hein. Oui, ma chérie, je sais que t'es fragile. Tu fais 1m50, tout allongé, il y a pas de problème, on s'arrangera. Bon, même debout, malgré ma corpulence, je sais quand même être très délicat avec certaines personnes, ma chérie, voyons. Bon, ben, j'ai hâte de te rencontrer, Pascal. Ah ben, moi aussi, hein, crois-moi. Hein. Eh ben, je t'embrasse très fort. Allez, on s'embrasse, ma chérie. La semaine prochaine, je suis à Thiers, donc je passe te voir. Hein. À okay. tout bientôt, des poutous. Bisous, Pascal. Bisous. Alors, allez, bisous. Moi, je sais pas vous, mais j'adore finir une soirée sur un auditeur comme ça. Vous me direz, par contre, quand est-ce qu'il vient, Pascal, que je sois pas là. Ah si, non, et je mais vous non. jure qu'on va organiser ça. Il va venir dans ce studio et on le prendra à l'antenne. Il a l'air génial, Pascal. Ah ouais, il a l'air cool. Vous nous prenez ça au standard. Ouais, j'ai d'accord. Ça. Bon, en tout cas, c'était une super soirée. Merci beaucoup là d'avoir appelé au standard, d'avoir participé. Franchement, c'est un kiff de vous retrouver. Vous pouvez aller mater là toutes les vidéos sur la chaîne YouTube si ça vous dit. On vous a mis le Pokélost qui sera de retour demain. C'est le nouveau jeu. Bientôt, il y aura des invités aussi. Vous inquiétez pas, on vous calme ça, vos youtubeurs préférés. Il y aura le retour de l'opération gaming. Mais j'aimerais quand même qu'on finisse avec la chanson. Ah oui. Un petit coup ah ouais. de la chanson qu'on a créée ouais. pour vous ah oui. ce soir. Allez, allez. C'est la première de la saison 2. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe? Yes. Ouais. On est prêts. 3, 4. C'est l'histoire du Night Show. Le soir sur Fun Radio. C'est la deuxième saison. Promis, on fera les cons. Marion invente des mots. Anso va-t-elle pécho? À vous, tu doutes de nous. Coucou, hibou, coucou. Encore. C'est l'histoire du Night Show. Night Show. Le soir sur Fun Radio. Fun Radio. C'est la deuxième saison. Promis, on fera les cons. Les quoi? Marion invente des mots. Anso va-t-elle pécho? C'est mort. À vous, tu doutes de nous. Non. Coucou, hibou, coucou. Coupé per solo. C'est l'histoire du Night Show. Qui ont repris Pépé. Ils auraient pas dû. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je vais leur en pile derrière. Ah, c'est pute. Pépère, je te veux dans mon équipe. Merci Pépère, merci l'équipe, merci aux petits nouveaux. Vous êtes des beurs et on se dit rendez-vous à demain. On finit avec la vraie chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? Bra. On était content d'être là. Merci beaucoup. De rien. Cet été, Fun Radio a booké les meilleurs DJ dance électro. Dance. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Party Fun. Ce soir, c'est Blaster Jax qui prend les commandes de Fun Radio. Party 2. Party. Hit the power on the hour from the rebel to you. The only party. Party two. of your body should be partying too. Have the power on the hour from the rebel to you. The only party. Avec Party Fun. Party Fun. Party Fun sur Fun Radio. vous lâche de 2 heures de mix en exclu dans Party Fun. Party Fun sur Fun Radio. Avec le hashtag Party Fun. Party Fun. Then I'm in.